amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, émission Mosaïque. Au programme de ce soir, Paris, le peuple français, Jean-Luc Mélenchon. Une occasion historique, trois enseignements professionnels, musique Bourville, ma petite chanson, Adrien Quatennens sur Public Sénat. Public Sénat, c'est une chaîne qui a des émissions intéressantes de temps en temps. Oui, quand même, et pas de pub. Alors ensuite, Béatrice Piera, candidate nouvelle Union Populaire. Clément Viktorovitch, la justice. Daniel Guichard, mon vieux, chanson. Y a-t-il des ouvriers à l'Assemblée Nationale ? Point d'interrogation. Roland Gobi, époque sans esprit. Une époque sans esprit. Oh, ça existe ça. France Info, prise en flagrant délit par Alexis Corbière. France Info. France Inter, Elisabeth Borne, le social. Clément Viktorovitch, réforme des retraites. Pourquoi ? Point d'interrogation. Pourquoi ? Alors, Fernand Reynaud, Restons Français, Jean-Yann, Si tu t'en irais. Et nous, le discours historique de Jacques Chirac au sommet de la Terre à l'ONU en 2002. Et lancement du Parlement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Raoul de Godvarsveld, quand les cigares, etc. Alors, là, il y a plusieurs chansons. Et puis, peut-être une petite revue de presse pour finir. Hein, voilà. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Cette élection se présente d'une manière absolument nouvelle par rapport à toutes celles qu'on a connues auparavant. C'est la première fois depuis la naissance de la Ve République et surtout depuis l'inversion du calendrier, mettant d'abord l'élection présidentielle puis la législative. C'est la première fois qu'on donne, 3 semaines avant le vote, l'opposition en tête, alors même que l'élection présidentielle a à peine un mois. Le peuple français a compris l'appel qui lui était lancé en lui disant « c'est le troisième tour ». Ce n'est pas un abus de langage. À la précédente présidentielle, on n'avait rien tranché. On a eu un vote par défaut, en tordant le bras de tout le monde. Et là, à nouveau, ça recommence. Une élection par défaut. Et un homme qui peut être élu président de la République française sans avoir jamais développé le moindre programme, et qui continue d'ailleurs, parce qu'il trouve que la méthode lui a réussi, à entrer dans des élections législatives où personne ne nous dit un début de commencement de programme. Je vais donc être obligé de le faire à leur place. Mais enfin, nous sommes une grande nation, un peuple adulte et civilisé. Eh bien, tout le monde sent que oui, c'est à cette élection-là qu'on va donner un mandat politique. Et c'est pourquoi, après vous être réjouis de penser que nous pouvons gagner, parce que cette victoire est à portée de main, savez-vous que la majorité de ceux qui président une association ou de ceux qui acceptent d'être maire d'une petite commune ou d'une moyenne sont à l'âge d'avant de la retraite, des 60 ans. Et je ne vous cite que ça, mais vous savez tous, ceux qui ont déjà 60 ans, quelles fonctions vous remplissez dans votre famille, auprès de vos petits-enfants, auprès de la société tout entière. Si bien que la seule comptabilité qui est tenue, c'est une comptabilité intéressée à des résultats qui ne nous concernent pas. Le résultat qui nous concerne, c'est le droit au bonheur de chacun, la tranquillité de la vie, sa douceur. Arrêtez d'user les corps, arrêtez d'user les nerfs et les esprits. Vivre tout simplement parce que la vie peut être belle, parce que la beauté est répandue dans les paysages, en nous-mêmes, dans l'art, dans la culture, et que tout ça ne peut pas se vivre au rythme frénétique ou muré dans les tâches de survie, comme le sont tant et tant par millions de nos compatriotes, dont l'horizon essentiel est de savoir comment ils vont arriver à la fin de la semaine et de la fin de la semaine à la fin du mois. Tellement les conditions quotidiennes sont sévères et comme c'est dur de faire vivre sa famille, d'organiser ce qui va se passer en ne sachant pas soi-même où on en sera au moment où se battent des records, 785 000 interruptions de fourniture d'électricité. Comment vit-on sans électricité au XXIe siècle? 300 000 interruptions d'eau, c'est interdit. Alors ils n'interrompent pas, ils vous font couler des petites gouttes. Des millions de nos compatriotes en sont là. 8 millions de personnes sont à l'aide alimentaire. Depuis le début des merveilles de M. Macron, il y a 400 000 pauvres de plus. Une grande occasion est là de tourner cette page, de passer à autre chose. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité de l'enseignement professionnel. Ces gens n'ont rien à fiche quand on leur demande combien vous croyez qu'il y en a dans l'enseignement professionnel. Ils sont là, ils bredouillent, ils ne savent pas. Ils veulent tous les envoyer en apprentissage dans les usines. Vous savez combien il y en a ? 50% de chaque classe d'âge est dans l'enseignement technologique, l'apprentissage ou l'enseignement professionnel. La moitié de nos gosses, ils méritent donc le plus haut niveau d'instruction. Depuis le CAP, premier niveau de diplôme, qui est validé dans les conventions collectives, jusqu'au BTS, brevet de technicien supérieur, jusqu'au DUT, plus il y en aura qui iront, plus le pays sera fort, plus on pourra faire la bifurcation écologique. Parce que pour faire la bifurcation écologique, vous êtes obligé d'avoir des salariés de haut niveau de qualification. Sinon, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson. Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson. Qui ne te plaît plus. Elle avait toutes les qualités, elle ne ressemblait à aucune autre chanson. Elle mettait au fond de ton cœur autant de couleurs qu'une fleur au balcon. Elle parlait d'amour et de joie, et lorsque parfois elle changeait de ton, elle prenait un air attendri comme un enfant qui demanderait pardon. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson. Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson qui ne te plaît plus. Tu n'as plus rien à lui offrir, pas même un sourire, un instant d'attention. Elle a dû sans doute vieillir comme un souvenir, un pauvre air d'occasion. Elle avait vécu avec nous, on partageait tout sans faire de façon. Mais c'était il y a quelques années, le temps a passé et l'eau court sous les ponts. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson. Qu'est-ce qu'elle a qui ne te plaît plus, ma petite chanson. Sans toi. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise, député de la première circonscription du Nord et candidat à votre réélection aux élections législatives. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes pour un entretien en partenariat avec la presse régionale qui est représentée aujourd'hui par le journal Ouest-France, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Adrien Quatennens, on va commencer par une réaction sur la nouvelle qui est tombée hier et ce journaliste français qui a été tué en Ukraine, Frédéric Leclerimov, 32 ans, il travaillait pour BFM TV, il a été touché par un éclat d'obus dans l'est du pays alors qu'il suivait un convoi humanitaire. C'est la France, la liberté de la presse qui sont touchés au cœur avec ce décès. Évidemment, j'adresse toutes mes condoléances aux proches, à la famille de Frédéric Leclerimov, à la rédaction de vos confrères de BFM TV, à tous les journalistes. C'est la guerre dans toute sa cruauté qui touche en plus la profession de journaliste. Et je forme le vœu que toutes les circonstances de la mort de Frédéric Leclerimov soient éclaircies et puis surtout que les responsables de ces crimes paient. Voilà, parce que là, on voit très bien de quoi il s'agit désormais en Ukraine. Quand on bombarde des civils, qu'on s'attaque à des journalistes, quand on bombarde des maternités, comme on l'a vu il y a quelques mois, on est dans des crimes de guerre. Et donc... cela doit être sanctionné durement. Le parquet national antiterroriste va ouvrir une enquête pour crime de guerre sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment permettre de connaître toutes les circonstances? Est-ce que ce type de démarche est utile? Je crois que c'est la sixième enquête de cette nature ouverte en Ukraine. Je le souhaite et il faut que ces enquêtes aillent au bout et que les responsables paient, je l'ai dit. Autre question sur l'Ukraine, Adrien Quatennens, puisque les 27 pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord hier sur de nouvelles sanctions contre la Russie, avec notamment un embargo à 90% sur le pétrole russe. Ce sont des mesures suffisantes, des sanctions suffisantes selon vous ? Incontestablement, il faut prendre des mesures. Il faut accroître la pression sur Vladimir Poutine. Cette guerre dure. Vladimir Poutine a depuis des mois fait le choix de la guerre. Il a envahi le voisin. Il ne respecte aucun des éléments du droit international. Donc il faut accroître les sanctions. Alors après, il faut regarder de plus près quel type de sanctions et quelles conséquences. Nous ne cessons de dire depuis le début que ce qu'il faut faire, c'est taper durement au portefeuille les oligarques autour de Vladimir Poutine pour en quelque sorte l'isoler et faire en sorte que son pouvoir ne tienne plus. Que des gens qui aujourd'hui ont intérêt à être à ses côtés finissent par se dire « Mais qu'avons-nous comme intérêt à suivre ce personnage qui fait le choix de la guerre ?» Parce que ça a été fait. Pas suffisamment. Non, ça n'a pas été fait suffisamment. Rien qu'en France, si vous regardez dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, vous faites le tour des unions départementales syndicales, on va vous montrer les endroits où se trouvent les grandes propriétés qui n'ont toujours pas été saisies, les yachts qui ne l'ont toujours pas été non plus. Parce que la difficulté avec les sanctions économiques tous azimuts, c'est que, un, il ne faudrait pas solidifier le peuple russe avec le dirigeant qui choisit la guerre, nous n'y avons pas intérêt. De la même manière, j'ai vu comme vous que les Chinois apportent en quelque sorte leur soutien en disant tous les secteurs économiques qui vont être sanctionnés, eh bien nous investirons dedans. A-t-on intérêt, nous autres, à un bloc sino-russe qui se constituerait? Je ne le crois pas. En revanche, on ne peut pas rester, c'est clair, à faire de l'incantation. Donc il faut des sanctions dures. L'une des difficultés qu'on a, par exemple, c'est que l'essentiel du patrimoine des oligarques russes, l'essentiel de leur argent, se trouve dans les paradis fiscaux européens. Paradis fiscaux qui d'ailleurs ont été retirés par le concours d'Emmanuel Macron de la liste des paradis fiscaux européens. Voilà autant de mesures qu'il s'agirait de prendre pour les sanctionner véritablement. À côté de cela, il nous faut des initiatives diplomatiques. par exemple, une conférence internationale comme l'a proposé Jean-Luc Mélenchon. Parce que, comme beaucoup de responsables politiques d'ailleurs l'ont dit, entre la diplomatie, mais il faut activer la diplomatie, et la guerre totale, il n'y a pas d'alternative. Donc il faut choisir la diplomatie. En revanche, on ne peut pas rester les bras ballants face à ce qu'est en train de faire Vladimir Poutine. Mais si je vous comprends bien, choisir délibérément de se passer de l'essentiel du pétrole russe d'ici la fin de l'année au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas un bon choix. Bah, en tout cas, il nous faut des alternatives incontestablement. Et on pourrait en trouver quelques-unes. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a proposé ceci. Vous avez, de l'autre côté de la Méditerranée, nos amis des pays du Maghreb, qui sont, eux, hyper dépendants de l'importation de blé, notamment du blé ukrainien. On pourrait imaginer... Un moratoire sur les prix. On pourrait imaginer, en discuter avec eux, leur garantir, nous, l'accès à un blé à des prix qui ne soient pas spéculatifs, et en contrepartie, leur demander, par exemple... un accès au pétrole dont ils disposent à un prix qui soit supportable par la population française. Voilà quelques solutions que nous avons. En revanche, il ne faut jamais être naïf sur les rapports de force géopolitiques qui se jouent, y compris derrière la question de l'énergie. Parce que quand vous avez certains qui se dépêchent de dire il faut l'embargo à tout prix sur le pétrole et le gaz russe, notamment les Américains qui nous y encouragent fortement, pourquoi ? Parce qu'ils y ont eux-mêmes des intérêts. Vous savez que là-bas, ils ont le pétrole et le gaz de schiste, et que le prix du baril a beaucoup augmenté. Donc, il faut absolument pas être naïf. Mais par contre, c'est clair, on peut pas rester les bras ballants devant ce type de situation que nous voyons en Ukraine. Adrien Quatennens, on va évoquer la polémique qui continue sur le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France à Saint-Denis, avec un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui pointe la responsabilité des dizaines de milliers de supporters britanniques qui sont venus au stade sans billets ou avec des faux billets. Il parle d'une fraude massive, industrielle. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces explications qu'a donné le ministre hier ? Moi, je pointe d'abord la responsabilité du duo Lallement-Darmanin, dont on voit depuis des années maintenant qu'ils sont incapables de gérer en région parisienne des grands événements, qu'il s'agisse d'événements sportifs comme ceux qu'on a vus au Stade de France, mais d'ailleurs c'est pas que le Stade de France, c'est aussi ce qu'on a vu à la fanzone à Nation, où là il n'y avait pas d'histoire de faux billets et tout le reste, avec des scènes absolument insupportables, mais il y a quelque temps, les manifestations revendicatives, vous vous souvenez des gilets jaunes et de tous les débordements. Donc le couple Lallement-Darmanin est incapable de gérer la sûreté des événements et la tranquillité publique. Voilà. C'est toujours le chaos avec eux. Et donc, il y a des responsabilités politiques. Pour ce qui est de M. Lallement, ça fait longtemps que nous disons qu'il n'est plus à la hauteur et que c'est bien la chaîne de commandement et la doctrine d'utilisation des forces de l'ordre qui est en cause. Et pour ce qui est de M. Darmanin, il y a une élection bientôt. Peut-être que les électeurs pourraient s'en occuper aussi. Parce que, clairement, on a bien un problème au niveau de la chaîne de commandement. C'est d'abord ça qu'il faut dire sur les événements qui se sont déroulés. Et quand on voit que dans quelques temps, on va avoir la Coupe du Monde de rugby ou les JO, très franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est bien la hiérarchie qui est en cause dans ce qui s'est produit. Quand vous voyez la presse étrangère parler de stade de farce, et la France est humiliée dans cette affaire. Donc bien sûr qu'il y a des responsabilités politiques. Il y a une commission d'enquête qui va s'ouvrir au Sénat. Et je crois que ces responsabilités politiques, elles doivent être prises. Alors, vous pointez la responsabilité notamment de la stratégie policière. Gérald Darmanin pointe les supporters britanniques. Est-ce que vous condamnez aussi ces bandes de jeunes de Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, qui ont participé à ces violences avec des vols, des pillages? Vous les condamnez? Non, mais toutes les violences sont à condamner, c'est pas le problème. En revanche, il y a un objectif précis qui est donné à la police dans ce pays. C'est de garantir la tranquillité, le fait que les événements, y compris les grands événements, se tiennent dans la sûreté. Et du point de vue de la doctrine employée pour le maintien de l'ordre, nous avons un grave problème. Voilà. Il y a des endroits où, y compris face à des manifestations et y compris à des risques de débordement, on n'emploie pas ce genre de méthode et on arrive par un emploi d'une autre doctrine à faire en sorte que les événements soient contenus. Par ailleurs, il y a aussi un problème dans nos services de renseignement. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de moyens humains, notamment dans les services de renseignement. Quand vous voyez la quantité annoncée de faux billets qui auraient été vendus, pourquoi tout cela n'a pas été anticipé? Ça aussi, c'est du renseignement et on a de graves carences aussi de ce côté-là. Alors, vous pointez la police, les services de renseignement, mais quand même, hein, on a vu ces images de bandes de jeunes qui agressent les supporters, qui volent. C'est quand même c'est pas supportable. C'est personne, quand même un personne, symptôme personne inquiétant n'a, du pays. Personne n'a agressé personne, mais en attendant, vous pouvez supporter que sur un événement comme celui-ci... Ah si, il y a eu des agressions. Non, mais bien sûr. Oui, personne n'a agressé. Personne n'a agressé personne. C'est entendu, je veux dire, on peut peut-être faire l'économie de se dire ce genre de banalité. En revanche, ce qui se passe, c'est que visiblement, nous n'étions pas prêts à accueillir cet événement. Si nous n'y étions pas préparés, il ne fallait pas se porter candidat au fait que l'événement se tienne. Je veux dire, ça a un retentissement bien au-delà de nos frontières. Nous sommes la risée du monde, là, dans cet événement. On vous entend, mais vous ne reconnaissez aucune circonstance atténuante au pouvoir public en France. Le fait, parce que cette compétition devait se tenir à Saint-Pétersbourg. Oui, bien sûr. Nous n'avons eu que 3 mois pour la préparer. C'est quand même très, très court. Dans ce cas, il ne fallait pas y être candidat, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable d'organiser des événements, et puis surtout, je le dis, il y a des précédents. Ça n'est pas la première fois que M. Darmanin et M. Lallemand ratent leur mission qui est d'assurer la sûreté, la tranquillité publique. Y compris, je le dis, quand il y a des manifestations revendicatives. Dans une manifestation revendicative, la police n'a pas à se vivre et à agir comme adversaire de la manifestation. Elle a à garantir le fait que la manifestation puisse se tenir. Et s'il y a des éléments, je vais dans votre sens, s'il y a des éléments qui viennent perturber, comme on l'a vu à l'occasion de certains 1er mai et tout le reste, mais c'est le rôle de la police de ne pas faire de confusion et de garantir à celles et ceux qui viennent pour revendiquer de pouvoir le faire sans craindre pour leur sécurité. Vous parlez de précédents, on sait que dans la culture du club de Liverpool, il y a aussi cette pratique de l'utilisation de faux billets, de faux passes, de fausses accréditations. Il y a déjà eu des précédents. Vous évoquiez tout à l'heure les services de renseignement. Est-ce qu'un des problèmes de cette affaire, c'est pas que les services de renseignement ou que les renseignements n'étaient pas bons? Mais je l'ai dit. Est-ce qu'ils n'ont pas surévalué le nombre de faux billets, par exemple, Quand on parle de 30 à 40 000 faux billets, il y a certaines pratiques comme celles... On est vraiment dans les bons chiffres, vous pensez? Il y a certaines pratiques comme celles des faux billets dont vous parlez, qui était à mon avis anticipable. Et donc, je l'ai dit, et je vais me répéter. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que ça n'a pas été surévalué dans ce cas? Je crois qu'il y a eu une carence. Il y a eu une carence dans le renseignement qui a aussi expliqué la situation qu'on a connue ce soir-là. Adrien Quatennens, on va évoquer le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français. Ben oui, urgence pour le gouvernement avec un projet de loi en faveur du pouvoir d'achat des Français qui sera présenté en Conseil des ministres le 29 juin prochain avec un examen dans la foulée au Parlement. Plusieurs mesures qui notamment vont être prolongées, bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, triplement de la prime Macron, chèque alimentation, des hausses de certains minima. Est-ce que si jamais le gouvernement reste en place, les députés de la NUP voteront ce plan? Je ne crois pas, nous allons faire d'autres propositions, mais comme les députés... Vous ne voterez pas. Écoutez, ce que je vois en tout cas, notre logique n'est pas la même, disons les choses. D'abord, vous n'avez pas dit qu'il y a des augmentations de loyers de 10% qui sont prévues. Vous n'avez pas dit non plus qu'on prévoit aussi des augmentations de la facture énergétique avec un certain nombre de rattrapages. Mais pourquoi la logique est-elle différente? Le gouvernement n'a pas l'intention de prendre le problème à la racine. L'augmentation des prix que nous avons aujourd'hui, elle est le fait de spéculation et d'effet de marché, rien d'autre. Par exemple, sur le blé, on est en train de consommer les stocks de l'année dernière. Ça n'a donc strictement rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ce sont des effets spéculatifs. Donc le gouvernement, lui, ne s'attaque pas du tout à cela. Ce qu'il veut faire, c'est par exemple vous distribuer des chèques, qui d'ailleurs, dont les montants sont toujours insuffisants parce que les Français sont pris à la gorge. Des chèques, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre de l'argent du trésor public, l'argent des contribuables, pour, en quelque sorte, garantir la rente privée. Ça n'est pas supportable. Nous, ce que nous voulons faire avec les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et avec Jean-Luc Mélenchon, s'il est Premier ministre et si nous gouvernons, c'est, ce que nous disons depuis des mois, un blocage des prix à la baisse, sur le même modèle d'ailleurs que cela est fait dans nos Outre-mer, je pense à La Réunion, où le préfet a pouvoir de garantir, de contrôler 153 prix, et d'ailleurs on définit lesquels dans des conseils citoyens. Voilà, il y a une situation d'urgence sociale. Et on ne peut pas supporter que quand d'un côté les Français sont pris à la gorge, qu'on a le carburant à la pompe à plus de 2 euros, que le cours du blé est à 450 euros sur les marchés alors que c'est 150 d'habitude, que le prix des pâtes par exemple a augmenté de 44% en un an, on ne peut pas supporter que le gouvernement ne prenne pas des mesures à la hauteur, alors que dans le même temps, on apprend quoi? Que les dividendes des actionnaires du CAC 40 vont augmenter de 84% par rapport au chiffre de l'an dernier. Ça n'est pas supportable. Donc oui, il y a des mesures d'exception immédiates à prendre, et notamment le blocage des prix. À côté de quoi, il y a la question de l'augmentation des salaires et tout le reste. La politique des petits chèques pris sur le trésor public pour garantir les rentes du secteur privé, ça n'est pas acceptable. Des petits chèques qui feront quand même entre 15 et 20 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat des Français. Donc ça, vous dites, vous ne le voterez pas. Ce n'est pas à l'État de garantir les rentes privées. Voilà, à un moment donné, il faut mettre fin aux mécanismes spéculatifs et dire ce n'est plus possible. Voilà, et ça, c'est un gouvernement peut le faire. Vous avez dit qu'il y aurait un rattrapage sur les prix, notamment au niveau de l'énergie, le bouclier tarifaire. Bruno Le Maire a dit l'inverse, me semble-t-il, qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur la facture des Français en 2023. Mais vous n'y croyez pas ? Écoutez, non, je n'y crois pas. Parce qu'on reste dans le cadre d'un mécanisme de marché qui pose de graves problèmes sur la situation de l'énergie, par exemple. Que s'est-il passé ? Vous voyez bien que petit à petit, on remet en cause toujours les tarifs réglementés. Et on passe à une dérégulation sous l'impulsion de la Commission européenne. Qu'aujourd'hui, par exemple, quand le prix du gaz augmente, alors le prix de l'électricité augmente simplement par effet d'indexation, sans qu'aucune réalité matérielle derrière n'explique cette augmentation de prix. Donc, si vous voulez, dans tous les sujets que nous abordons à cet instant, qu'il s'agisse du carburant, de l'énergie ou des produits alimentaires, des produits de première nécessité, pour l'essentiel, ce sont des effets de marché. C'est donc bien ces effets de marché qu'il faut casser. Et pour contrôler les prix, est-ce que renationaliser EDF serait une solution ? Ah mais bien sûr, mais pas faire ce que propose Bruno Le Maire. Parce Expliquez-nous la différence entre Bruno Le Maire, en quelque sorte, ce qu'il propose de faire, c'est une ressucée du projet Hercule qui va consister à scinder EDF, à nationaliser la partie la plus coûteuse, notamment l'entretien de nos centrales nucléaires, mais à privatiser tout ce qui va rapporter beaucoup, notamment les énergies renouvelables, les réseaux et tout le reste. Non, ce qu'il conviendrait de faire sur la situation de l'énergie, c'est un grand pôle public de l'énergie et de sortir de cette vision absurde et idéologique de la concurrence libre et non faussée voulue par la Commission européenne. Je veux dire, il y a des domaines dans lesquels on peut imaginer qu'il y ait de la concurrence sans que ça pose problème. Mais là, en l'espèce, tout de même, la France avait un opérateur énergétique où on maîtrisait tout d'un bout à l'autre, où ça fonctionnait. Et depuis que la Commission européenne, avec les gouvernements successifs complices, a souhaité l'ouverture à la concurrence, c'est le chaos. C'est le chaos complet. Et moi, je ne veux pas qu'on se retrouve dans des situations que connaissent certains pays européens. On est allé au bout de la dérégulation, où vous avez des consommateurs, des usagers particuliers, qui ont les yeux rivés sur les cours de bourse pour savoir ce que va donner leur facture d'énergie. Ça n'est pas le modèle que l'on souhaite pour la France. Adrien Quatennens, une question sur la réforme des retraites, avec d'un côté le gouvernement qui prévoit une réforme de recul de l'âge de départ au moins jusqu'à 64 ans, et de l'autre Jean-Luc Mélenchon et la NUP qui souhaitent, eux, une réforme de la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation. Et selon le journal Les Échos, eh bien, cette réforme des retraites de Jean-Luc Mélenchon, elle pourrait coûter près de 100 milliards d'euros. Est-ce que vous confirmez ce chiffre et est-ce qu'elle est totalement financée, votre réforme ? Alors d'abord, c'est 71 milliards d'euros, la réforme. Elle a plusieurs piliers, la réforme. Hein. Il y a le droit de partir à 60 ans, le rétablissement du droit à la retraite à 60 ans. Il y a le fait de garantir qu'aucune pension de retraite, quelle qu'ait été votre carrière, ne se trouve sous le seuil de pauvreté, c'est 1063 euros aujourd'hui. J'insiste bien, quelle qu'ait été votre carrière, parce que Emmanuel Macron, lui, vous offre ça pour une carrière complète et avec 65 ans comme âge de départ, à terme. Et de l'autre côté, c'est que pour une carrière complète, dans notre réforme, aucune retraite ne serait inférieure au SMIC, dont vous savez que nous voulons le revaloriser à 1500 euros. Il y en a pour 72 milliards. Moi, je veux mettre à l'aise tout le monde et expliquer pourquoi ce raisonnement est valable, pourquoi c'est juste de le faire. Un travailleur français aujourd'hui, en 2022, produit à lui seul trois fois plus de richesses qu'un travailleur français d'il y a 50 ans, parce qu'il y a eu des gains de productivité, des bons technologiques et tout le reste. Est-ce que vous avez vu que les salaires ont augmenté de la même proportion ou que le temps de travail a diminué de la même proportion ? Non. Donc, où vont les gains de productivité ? Bah, quand vous voyez, par exemple, que ces 10 dernières années, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%, mais que les salaires, eux, n'ont progressé que de 10-12%, vous comprenez qu'en réalité, la question du financement des retraites, ce n'est qu'une question de partage de la richesse. Donc moi, je le dis très clairement, vous avez une ample majorité, je crois que c'est 71% des Français, dans un dernier sondage, qui souhaitent le rétablissement de la retraite à 60 ans. Ils ont raison et ils doivent savoir que si les 12 et 19 juin, ils votent pour des candidates et candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et que nous sommes en majorité, nous gouvernerons et cette réforme de la retraite à 60 ans, je m'engage personnellement à ce qu'elle soit réalisée au plus vite. On va finir cette interview par la campagne des élections législatives avec un sondage Odoxa Mascaré pour les chaînes parlementaires et la presse régionale qui estime qu'il y aura 53% d'abstention au premier tour des législatives le 12 juin prochain, avec une abstention qui est encore plus forte chez les plus jeunes, plus de 60%, également chez les employés et les ouvriers, 59%. Justement, les jeunes, les employés, les ouvriers, ils composent une partie importante de votre électorat. Est-ce que vous ne craignez pas que vos électeurs soient démobilisés pour ces législatives. Écoutez, j'observe que depuis que nous avons fixé l'enjeu, c'est-à-dire rappeler que l'élection législative n'a pas vocation à donner une majorité au président de la République. Si c'était la vocation de l'élection, on pourrait l'annuler d'ailleurs. À ce moment-là, on donne une majorité au président élu, on n'en parle plus. Là, on est en train de redonner du sens à ces élections législatives, de dire elles vont fixer le cap politique des 5 prochaines années. Et c'est pas parce que M. Macron a gagné l'élection présidentielle à la faveur de son duel avec l'extrême droite que vous n'avez plus le droit à ce programme que beaucoup d'entre vous ont souhaité. Donc les 12 et 19 juin, c'est une élection extrêmement importante, c'est une élection pour la conquête du pouvoir, disons-le. Quand j'entends Mme Le Pen dire non, c'est normal que M. Macron ait sa majorité, je veux dire, c'est insupportable. En réalité, c'est une élection pour la conquête du pouvoir. Donc, avec la constitution de cette nouvelle union populaire écologique et sociale, c'est-à-dire un rassemblement très large sur un programme de rupture, nous créons les conditions pour toutes celles et ceux qui veulent que ça change véritablement, qu'on bloque les prix, qu'on augmente le SMIC, qu'on fasse la retraite à 60 ans, la planification écologique, nous leur disons, si vous votez, c'est possible. Et toutes les enquêtes d'opinion montrent que c'est à portée de main, à la condition, bien sûr, qu'il y ait la mobilisation. Donc nous avons fait notre part du travail, nous sommes en campagne, je dis aux électrices et aux électeurs, à vous de faire la vôtre, et mesurez la portée historique de ce que nous sommes en train de faire. Si vous le décidez individuellement, et vous avez une responsabilité individuelle, le jour du vote, les 12 et 19, vous pouvez bâtir cette majorité, vous pouvez envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, et derrière Jean-Luc Mélenchon à Matignon, vous avez compris, c'est pas l'enjeu de sa personne, c'est l'enjeu d'un programme qu'on peut encore appliquer, parce que dans la Constitution, le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Voilà l'enjeu de l'élection législative. Alors François Hollande, l'ancien président de la République, dans cette campagne des législatives, eh bien il était sur le terrain en Corrèze pour soutenir une dissidente socialiste, Annick Tess, dissidente face à la candidate, face au candidat de la NUP. Vous êtes surpris par cette campagne de François Hollande contre l'Union des Gauches? Surpris, non, mais je crois que ce que fait François Hollande n'a plus grand ni intérêt ni forte audience. Vous voyez, je pense que ça n'a pas une grande portée. Non, j'insiste bien sur le fait que la constitution de cette nouvelle union populaire écologique et sociale ravive l'espoir dans énormément d'endroits. Et que je suis assez surpris, positivement, de voir que partout où on se déplace, même si j'entends qu'il y a un enjeu de mobilisation, et il faut le rappeler, vous avez raison, mais globalement, moi qui ai connu la campagne des législatives précédentes, celle de 2017, je peux vous dire qu'à l'époque, on n'entendait pas des gens nous interpeller à propos du mois de juin, en parlant d'un troisième tour de la présidentielle. Là, disons que les mots d'ordre et les dates, déjà, sont assez connus. Donc, il y a une mobilisation qui me paraît plus forte. Maintenant, c'est clair que, vous l'avez dit, dans certains secteurs, notamment les employés, les ouvriers et les jeunes, qui votent massivement, notamment pour Jean-Luc Mélenchon et pour la nouvelle Union populaire, je leur dis, mobilisez-vous, parce que peut-être vous ne mesurez pas que ces élections législatives sont peut-être encore plus importante même, vu la configuration politique, que l'élection présidentielle, et que tout cela est possible dans quelques jours. Si nous sommes majoritaires le 19 juin au soir, c'est dans les jours suivants que Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre et qu'on forme un gouvernement. Tout va bien au sein de la nouvelle alliance, la nouvelle Union populaire. Parlez-nous un peu de Fabien Roussel, qu'on voit pas beaucoup finalement. Écoutez, pour parler de Fabien Roussel, votre collègue du Nord. Pour parler de Fabien Roussel, vous me permettrez de vous suggérer de lui téléphoner et d'inviter sur ce plateau Fabien Roussel. Je vais dire les choses très franchement. Sur l'envergure de l'alliance historique que nous sommes en train de faire, dont j'insiste bien sur le fait qu'elle n'est pas un simple accord électoral. Si nous avions voulu faire simplement un accord électoral, c'eût été plus facile. Ce que nous avons fait là, c'est un accord programmatique. Je rappelle qu'on a un programme partagé de gouvernement que tout le monde peut aller retrouver, de 650 mesures, 8 chapitres, et que nous nous sommes accordés sur l'ensemble des circonscriptions du territoire. Donc c'est historique. Donc si vous voulez, sur un accord aussi massif, pointer éventuellement quelques difficultés, c'est extrêmement minoritaire. Fabien Roussel était minoritaire, mais c'est Fabien Roussel. Mais Fabien Roussel était présent lors de le premier événement que nous avons tenu de fondation. Aussi, bah écoutez, il a peut-être de bonnes excuses. Il a aussi une campagne à mener. Enfin voilà, interrogez-le lui. Vous n'allez pas être en mesure de me faire dire telle ou telle chose. Je veux dire, il y a un candidat dans sa circonscription de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est Fabien Roussel, et il n'y a pas de discussion là-dessus. Et on finira sur ces mots. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été à vous de m'avoir notre invité politique. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et même nos cœurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant les pendants. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en goutte de sang. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les beurres. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une pleurette. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France pour cette deuxième émission spéciale législative. Aujourd'hui, nous recevons Béatrice Pira, candidate dans cette troisième circonscription des Vosges pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bonjour Béatrice Pira. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci pour votre invitation. Alors je précise quand même avant de commencer qu'il devait s'agir d'un débat entre la candidate du Parti Reconquête, Madame Herbe, et vous-même, mais que cette dernière a refusé de débattre avec vous aujourd'hui. Mais que je trouvais ça normal de vous inviter pour que vous puissiez exposer vos propositions et s'adresser à la communauté. Je vais débattre avec moi-même. Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement, c'est le principe du jour. Voilà. Alors, donc, nous avons une vingtaine de minutes à peu près pour aborder différents thèmes sur lesquels les candidats ne sont pas souvent interrogés. Mais tout d'abord, donc, une question simple, peut-être un petit peu bateau. Pourquoi avoir décidé de vous présenter ici, sous l'étiquette de la NUPES? Je sais pas comment on prononce, moi je dis NUPES. Moi voilà. Je dis Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la version longue, effectivement, NUPES, pour les intimes, on va dire. Ouais. Donc, pourquoi m'être présenté ici aujourd'hui, je suis conseillère municipale dans les Yvelines. Mm-hmm. Pour des questions professionnelles, je travaille en Île-de-France. Mais quand j'ai vu les résultats aux dernières élections dans la circonscription où est toute ma famille, hein, puisque mm-hmm. moi je suis originaire du syndicat, j'étais au collège au banc de Vanier, puis au lycée ici à Remiremont, ben, j'ai souhaité m'engager ici pour défendre des convictions qui me sont chères et défendre aussi les intérêts des Vosgiennes et des Vosgiens, mm-hmm. et mettre aussi mon expérience de femme politique au service de la circonscription. D'accord. Ben, vous venez de le dire, justement, vous êtes aussi conseillère municipale à Voisins-de-Bretonneux, qui est une commune des Yvelines, bien que vous soyez donc originaire du syndicat. Est-ce que vous pensez que ce sera réellement possible de défendre le territoire alors que vous avez des mandats ailleurs? Alors, vous posez effectivement, Pierre, une bonne question. Je pense que en tant que député, il est nécessaire d'être dans le territoire. Donc, après mon élection, j'ai prévu d'habiter dans ma maison du syndicat, de suspendre mon contrat de travail comme le permet la loi, et également de suspendre mon mandat de conseillère municipale pour être implantée dans la circonscription et me consacrer, contrairement aux députés actuels, entièrement au mandat de député de la circonscription. Très bien. Alors bon, bah, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les questions de fond. Donc, bah, vous le savez comme moi, la guerre en Ukraine fait toujours rage. Et dans ce contexte, alors certains politiques proposent de sortir de l'OTAN en réarmant ou pas la France. Alors, quelle est la position que vous défendrez à l'Assemblée sur ces sujets, donc sur l'OTAN, sur le réarmement de la France, si vous êtes élu? Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour protéger les Françaises et les Français? Aujourd'hui, nous avons effectivement le bouclier de l'OTAN qui nous permet d'être dans un bloc plus important et de faire une union face à la menace russe. Et je pense que la question n'est pas tant de l'armement, d'être ou non dans l'OTAN, mais de trouver la meilleure façon de défendre les intérêts nationaux. Nous sommes ici dans l'Est de la France. Mes parents ont vécu la guerre. Ma famille a vécu la guerre. Il y a souvent des histoires dans les repas de famille sur la guerre. Je pense que personne n'a envie de revivre ce type de tragédie. Et donc, il est important de préserver la paix. L'Union européenne est une façon de préserver la paix. Je rappelle que l'Union européenne avait comme premier objectif de faire une union entre la France et l'Allemagne afin d'éviter la guerre. Et donc, c'est tout ça qu'il faut défendre aujourd'hui. Et rester dans l'OTAN paraît être la solution la plus adéquate. D'accord. Mais du coup, sur l'Union européenne, vous avez quand même des désaccords internes au sein de la NUPES, puisque Jean-Luc Mélenchon prône plutôt une sortie de l'Union européenne ou une suspension de certains accords. Vous, vous êtes Europe Écologie Les Verts de base. Et donc, quelle est votre ligne concernant l'Union européenne? Est-ce que vous défendez une France forte dans l'Union européenne, une France complètement intégrée, ou plutôt une mise en retrait de la France? Alors effectivement, moi je suis non seulement Europe Écologie Les Verts, avec Europe comme premier terme, mais je suis également une Européenne convaincue. Hein. Moi je fais partie de la génération qui a vécu Erasmus. Alors moi j'ai fait Erasmus au Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce que je parlais déjà anglais et allemand et j'ai choisi d'apprendre une langue du Sud. Donc j'ai appris le portugais en 4 semaines. D'accord. Après, j'ai vécu au Brésil, donc ça m'a permis d'améliorer un peu ma maîtrise de la langue lusophone. Ouais. Tout ça pour dire que concernant l'Europe, effectivement, dans le cadre de la NUPES, il y a eu des accords entre les partis pour réussir à faire un programme commun sur un socle commun. Il y a eu des tensions sur le sujet de l'Europe, hein, vous avez raison de le signaler, puisqu'effectivement, la France insoumise a plutôt une volonté de renverser la table sur les sujets des traités européens. Par contre, Europe Écologie Les Verts est très profondément un parti très profondément européen. Donc l'accord qui a été trouvé, c'est de maintenir l'Europe, maintenir l'Union européenne, mais de se donner la possibilité de renégocier des traitements européens qui pourraient être en défaveur de la France. Oui, mais vous parliez de Erasmus et donc sur le thème de l'éducation, on peut aussi enchaîner. J'ai lu un petit peu votre programme et donc concernant les cantines scolaires, j'ai vu que vous proposiez de les rendre gratuites pour tous. Tout à fait. Toutes et tous. Mais quelle nourriture souhaitez-vous servir aux élèves quand on sait quand même qu'il s'agit principalement de nourriture industrielle qui est actuellement proposée? Si on la rend gratuite, est-ce qu'il ne faut pas aussi améliorer la qualité? Tout à fait d'accord avec vous. Le but est de permettre à toutes les Françaises, tous les Français qui mangent dans les cantines scolaires déjà de manger tous les jours et de manger une nourriture saine de qualité. Pour nous, ça veut dire une nourriture bio, locale, qui vient en circuit court, de façon aussi à promouvoir l'emploi local. Et aussi à éviter des problèmes liés à la malbouffe. Hein, je pense à différentes... ce qu'on peut connaître, et c'est pour ça qu'on a des pubs à la télé, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc, l'idée est d'avoir un système vertueux, bien sûr, pour les élèves à l'école avec une cantine de qualité, une nourriture locale, et également inciter de la production locale, en circuit court, dans des techniques bio pour préserver l'environnement et garantir le cadre de vie que nous connaissons aujourd'hui. Ouais, bah, toujours sur les produits de première nécessité, vous proposez également de faire de l'eau un bien commun. Alors, tout à fait. J'ai vu cette phrase dans votre programme. Pouvez-vous développer cette pensée ? Alors, tout à fait. Alors, c'est bien, Pierre, que vous me posiez la question parce que c'est vraiment un thème qui m'est très cher. D'ailleurs, celles et ceux qui nous suivent et qui ont vu les autres débats et qui ont lu également les articles dans la presse ont dû noter que je parlais systématiquement de l'eau. Je pense que l'eau sera l'enjeu du 21e siècle. À l'heure qu'on est aujourd'hui, on a en France 24 départements qui sont déjà en alerte sécheresse. Donc c'est vraiment un sujet et dans le programme de la NUPES, nous défendons l'accès à l'eau pour toutes et tous avec un haut commissariat à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'eau est un bien qui est nécessaire à la vie de tout être humain. Hein, physiologiquement, on ne peut pas vivre plus d'une journée sans eau alors qu'on peut jeûner quelques jours. Je ne parle pas des programmes de jeûne, bien sûr, des médecines alternatives. Donc, donc vous proposez un accès gratuit au premier mètre cube d'eau ou c'était ça qui était défendu par Jean-Luc Mélenchon ? Alors la volonté est d'abord de lutter contre la dérive capitalistique de l'eau et que l'eau devienne un bien sur lequel des entreprises internationales gagnent de l'argent au détriment du maintien de l'eau. Je pense notamment à l'entretien des réseaux avec des risques de fuite. Oui. Je pense à l'exemple de la ville de Paris, quand même la plus grande ville de notre pays, qui est revenue à une régie municipale d'eau pour défendre l'eau comme un bien commun. Et je pense aussi dans la circonscription à la ville de la Bresse, qui a une régie municipale d'eau également. D'accord, d'accord. Bon, on ne peut pas faire... Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là. On ne peut pas faire un débat sans parler de pouvoir d'achat. Certaines mesures évoquées donc sont l'augmentation du SMIC, le blocage des prix... mais comment on rend vraiment la France plus forte? Comment on avance vers le plein emploi? Et finalement, comment on avance vers un meilleur niveau de vie global? Voilà, quelle est la ligne à ce niveau-là? C'est peut-être pas en faisant une ou deux mesures comme ça, blocage des prix, etc. Oui, comment on redynamise finalement la France? Alors effectivement, ce que nous proposons à travers le programme NUPES, qui comprend quand même 650 mesures, c'est tout un programme pour, d'une part, redynamiser l'emploi local. C'est un vrai sujet ici dans notre circonscription. Hein. On a la vallée de la Moselle où il y a eu des villes qui ont de moins en moins d'habitants parce qu'il y a de moins en moins d'emplois. Donc le but est de redynamiser le tissu local. Vous avez parlé de la mesure du SMIC à 1500 euros, un minimum d'autonomie pour les jeunes à 1063 euros, également pour les retraités 1063 euros minimum par an, par mois, pardon, parce que c'est le minimum, le seuil de pauvreté dans un pays comme la France. Donc le but est de redynamiser tout ça. Et puis un sujet qui est quand même important, parce que hier j'étais à la foire à Montchamp, à Ventron, au Tillot, en visite d'entreprises, de restaurateurs, d'aide de maintien à domicile. Un sujet qui revient souvent, c'est la difficulté de trouver des personnes à employer. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une circonscription rurale avec des difficultés pour la mobilité. Donc en fait, ce sujet autour de l'emploi, autour du pouvoir d'achat, du niveau de vie, en fait c'est un élément qui entre dans un programme global de mobilité, d'accès au logement, pour permettre de trouver une réponse aux employeurs. C'est quand même triste d'entendre des restaurateurs de gendarmerie qui nous indiquent ne pas pouvoir ouvrir leurs établissements parce qu'il manque de personnel. Donc il faut trouver en partenariat bien sûr avec les professionnels, et je pense à l'Union des professionnels de proximité, l'U2P à laquelle j'étais lundi soir à Épinal, et je pense également aux organisations syndicales et également aux différentes associations qui composent le tissu local, pour trouver la meilleure réponse et trouver des solutions, parce qu'en fait, il n'y a peut-être pas de solution unique, mais des solutions qui devront être adaptées à chaque cas. Mais justement, par rapport à l'emploi, donc il y a d'un côté des restaurateurs donc qui n'arrivent pas à embaucher, d'un côté un taux de chômage assez élevé. Finalement, est-ce que ce qui avait été prôné, je reprends encore Jean-Luc Mélenchon, parce que bon ben voilà, ça a été un peu, enfin c'est le parti un peu leader de la NUPES, même si l'idée c'est une alliance bien entendu, mais il proposait une réduction du temps de travail. Est-ce que pour vous c'est une solution pour lutter contre le chômage, mais est-ce que d'un côté, finalement, ça risque pas de freiner les entreprises et donc d'être une mesure contre-productive ? Alors effectivement, il y a une volonté de passer aux 32 heures par semaine de façon générale, mais après, ça n'exclut pas des accords de branche dans certains secteurs d'activité. Parce que forcément, quand on travaille dans la santé, dans le tourisme, dans les transports, ben, le travail n'est pas que du lundi au vendredi, mais il y a des plages horaires qui sont plus compliquées. Alors, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, il y a une volonté pour les employés de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et le secteur de la restauration est un des secteurs les plus touchés parce que dans la restauration, on travaille tard le soir, on travaille le samedi, on travaille le dimanche, on travaille pendant que les autres se reposent et sont en vacances. Et effectivement, c'est un secteur qui souffre beaucoup. Alors, on a entendu aussi des choses différentes, c'est-à-dire au lieu de proposer des emplois à des jeunes, et ben proposer aussi des emplois à des personnes en cours de carrière. On nous parlait de l'embauche d'une personne de 56 ans. C'est une solution. Je pense qu'il ne faut pas se fermer les portes et aussi libérer l'âge maximal de l'apprentissage parce que aujourd'hui, dans une vie, on aura peut-être plusieurs vies. Vous êtes déjà étudiant et présentateur d'émissions, mais peut-être que vous ferez d'autres métiers, peut-être que dans votre vie, vous enchaînerez différentes carrières. Et je pense qu'il faut rester, le monde devient de plus en plus incertain et il faut rester très souple et très flexible. Très flexible, voilà. Donc pas forcément 32 heures pour tous, tout le monde. Voilà. Voilà. La réponse, c'est plus une réponse à la carte. Ouais. Comment trouver une solution? Mais ça fait quand même mal au cœur d'entendre des professionnels qui ont des emplois à proposer, qui ont énormément de difficultés pour le recrutement. Donc ces élections législatives, elles risquent quand même d'être, encore une fois, le signe d'un désintéressement des gens, d'un écœurement de la vie politique, qui se traduit en général donc par une forte abstention, on l'a vu au régional notamment. Comment on réintéresse les citoyens? Comment on les remet au cœur de la politique finalement? Effectivement, Pierre, quand on tracte sur les marchés ou dans la rue, beaucoup de gens, notamment des gens d'un certain âge, qui est quand même assez nouveau, nous disent qu'il y en a marre des politiques, tous pourris, on n'ira pas voter. Ouais. Alors, premier élément de réponse, déjà, moi, je suis issue de la société civile et je m'engage par conviction. Ouais. Moi, j'ai un métier dans une industrie, je fais ça par conviction parce que je pense que si on veut que ça bouge, il faut montrer l'exemple et il faut s'engager. Alors, beaucoup autour de moi me disent que c'est courageux. Moi, je pense que si on veut que ça bouge, il faut y aller. On se pose pas la question d'être courageux, d'avoir de l'énergie. On y va et on fonce. Ce qui est proposé dans le programme de la NUPES, c'est d'aller vers une sixième république. Pourquoi une sixième république? Parce que on veut pousser le référendum, d'initiative citoyenne, le RIC, et aussi refondre des institutions. Aujourd'hui, on a un président de la République en France qui est quand même un monarque républicain, surtout avec notre président actuel qui est très présent, où on connaît peu en fait les membres du gouvernement, voire même l'action du gouvernement. Il est important de redonner la confiance entre les Françaises et les Français et les politiques, et pourquoi pas imposer aussi aux politiciennes et aux politiciens une exemplarité. Je pense notamment à un casier judiciaire vierge. Il y a beaucoup de professions où il est nécessaire de montrer page blanche au niveau judiciaire pour être embauché et avoir l'emploi. Je pense qu'un politicien ou une politicienne doivent être les premiers à être exemplaires. Et par rapport à ce référendum d'initiative citoyenne, ce serait donc aux alentours de 500 000 signatures, si j'ai bien compris. Mais est-ce que ça risque pas de saturer la machine parlementaire avec finalement des projets de loi soumis en permanence? Alors, il est clair qu'il faut utiliser ce RIC, référendum d'initiative citoyenne, à bon escient et ne pas faire des référendums sans arrêt. Mais il est aussi important de consulter les Françaises et les Français sur des sujets qui nous concernent tous. Parce que ces élections législatives, c'est aussi un choix politique pour les 5 années à venir, où on décide soit de continuer comme on est aujourd'hui, de réduire les services publics, d'aller vers de l'éducation qui va être de plus en plus payante pour les études supérieures, d'augmenter les clivages et les différences entre les plus riches et les plus pauvres dans notre pays, ou bien de faire bouger les lignes, de mettre l'humain au cœur du dispositif avec le programme de la NUPES et des élus NUPES qui vont pouvoir faire bouger les lignes. Bien, merci. Vous avez quasiment fait votre conclusion, mais je vous donne quand même, puisque c'était prévu qu'il y ait quand même une carte blanche de 2 minutes. Donc, si vous souhaitez aborder le sujet de votre choix, pourquoi pas la jeunesse, par exemple, on n'en a pas tellement parlé, ou plus localement, voilà, pour convaincre peut-être encore les... Alors, je vais quand même parler d'écologie, puisque je suis quand même encartée chez Europe Écologie Les Verts. Alors, comme je précise à chaque fois, moi, je fais partie des écologistes qui sont pour la chasse, parce que je pense qu'il faut réguler notamment le grand gibier qu'on a ici dans le massif. Et il est important parce que Mon attachement au territoire, c'est aussi parce que j'ai eu la chance de grandir ici, dans une nature préservée, avec des terres agricoles qui sont protégées, des faibles utilisations de pesticides, de produits agrotoxiques, la forêt qui est très présente dans notre circonscription, la voie verte qui nous permet de circuler à vélo, de faire de l'exercice physique, de faire du sport. Et je pense qu'il est nécessaire de maintenir cette harmonie entre l'homme et la nature pour garantir aussi l'avenir de votre génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une préoccupation. Si on regarde les élections présidentielles, moins d'1% du temps de parole sur le sujet de l'écologie, alors que c'est quand même un sujet de préoccupation pour la plupart des jeunes. Je pense qu'il est important de faire bouger les lignes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans le programme de la NUPES, il y a plus de 100 propositions qui concernent l'écologie. Bien, merci. Merci Béatrice Pirat. De toute façon, j'invite les gens à aller lire ce programme qui est, je crois, en ligne de toute façon. Tout à fait, le programme est en ligne et plus d'informations également sur le site béatricepirat2022.fr. Et merci Pierre pour cette interview en débat avec moi-même. Et ben voilà, exactement. Merci d'avoir accepté cette interview. Et je le rappelle, vous êtes la candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur cette 3e circonscription des Vosges. Tout à fait. Voilà. Merci à vous d'avoir aussi regardé cette émission. N'hésitez pas à la partager, à la relayer sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur Studio PM France. Je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi, liberté. Dans la joie où Clément. Bonjour, on reste bonsoir, sur les mots à tous. Salut, Clément. Avec deux mots qui ont marqué l'actualité, juste et justice. Exactement. Bon, on va parler de la réforme des retraites, c'est l'actualité politique du moment. Et ce week-end, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, était sur France 3 dans Dimanche en politique. Rassurez-vous, la réforme en cours a un seul objectif, mettre fin à un système injuste et créer un système juste. Nous avons besoin de changer notre système de retraite. Il est fondamentalement injuste. Il est devenu injuste, qui est profondément injuste. Le système tel qu'il est aujourd'hui est fondamentalement injuste. Moi, je trouve ça profondément injuste. La réforme que nous mettons en place, elle est juste. Nous avons besoin d'un nouveau système de retraite. Mais pourquoi ça n'est juste, pas le cas? Plus simple, pour qu'il soit plus juste et qu'il soit, je le redis, plus juste. Un régime qui soit juste, soyez rassurés sur le système de retraite par répartition, il est sauvé et il est plus juste. Voilà, donc vous voyez, hein, soyons rassurés, ouais, le système est sauvé, il est plus juste. Il y a une légère obsession quand même, ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle un élément de langage en politique. Pour le vérifier, voyons ce que disent les autres responsables de la majorité. C'est juste de le faire. C'est juste parce que cette réforme, elle prend en compte ceux qui sont les plus fragiles. Le système que nous voulons installer est un système juste. Un système plus juste. Un système plus juste et plus solide. C'est un projet qui donne beaucoup plus de justice. C'est une affaire de justice individuelle et de justice sociale. Ouh. C'est ton émission. Bon. Ah, bah, donc, la question qu'on se pose quand on voit ces vidéos-là, c'est ouais, qu'est-ce que ça veut dire, un système de retraite juste? Eh bien, le problème, c'est que ça peut vouloir dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire qu'un système juste, c'est un système où les pensions sont rigoureusement proportionnées à ce que chaque personne a cotisé. Ça, c'est très juste. Mais on peut aussi dire que c'est un système qui profite du moment de la retraite pour réduire les inégalités salariales. Ce serait aussi de la justice. Pourtant, c'est l'exact opposé. On peut dire que c'est un système qui donne exactement les mêmes droits à tous les individus. Ça, c'est très juste. Mais on peut dire l'inverse, que c'est un système qui prend en compte la dangerosité et la pénibilité des différents métiers. En d'autres termes, si je dis est-ce que vous voulez faire une réforme juste? Tout le monde est d'accord avec moi. Si je dis, c'est quoi pour vous une réforme juste? Attendez, personne n'est d'accord avec moi. En rhétorique, c'est la caractéristique de ce qu'on appelle un concept opérationnel. C'est une notion qui a été développée par le philosophe Herbert Marcuse dans les années 60. Un concept opérationnel, c'est un concept creux, sans définition, qui est donc incapable de décrire et de penser la réalité sociale. Alors il y a plein d'exemples qu'on entend tout le temps dans le discours politique, souvent sans s'en rendre compte. La justice, l'équité, l'émancipation, le rassemblement, le changement, tout ça, ce sont des concepts opérationnels. Et évidemment, c'est extrêmement pratique. Parce que ce sont des mots qui, dans la langue politique, en philosophie ce serait autre chose, mais dans la langue politique ce sont des mots qui ne signifient rien, mais qui sont connotés positivement, c'est-à-dire qu'ils évoquent des choses positives pour chacun d'entre nous. Ça permet d'être sûr que tous ceux qui écoutent seront d'accord avec vous, mais ils le seront chacun pour des raisons différentes. Et ça pourquoi c'est intéressant? Parce que mettre tout le monde d'accord tout en ne disant rien, c'est l'une des caractéristiques de la langue de bois. Alors je finis avec deux conseils très pratiques pour ceux qui nous écoutent. Premier concept, comment on fait pour reconnaître un concept opérationnel? Eh bien en fait c'est assez simple, ce sont des concepts dont il serait impossible de revendiquer l'inverse. Est-ce qu'un responsable politique quel qu'il soit pourrait par exemple dire « nous voulons faire une réforme injuste » ? Bien sûr que non. Donc ça c'est une règle d'or en politique, un mot avec lequel plus personne ne peut être en désaccord, c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Et puis, deuxième conseil, sur le fond cette fois, en politique, le juste ne va jamais de soi. Personne n'est autorisé à décréter ce qui est juste. C'est toujours une question de choix politique. François Mitterrand n'avait pas le monopole du cœur, Emmanuel Macron n'a pas le monopole de la justice. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en mêla l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère.

dans l'état de merde. Il s'agit de coloniser l'esprit de vos bambins et de leur faire gober ce rationalisme économique et technique morbide. Aujourd'hui, nos modes d'évaluation n'obéissent qu'à des critères standardisés définis par des degrés d'utilité. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que les choses servent à quelque chose? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que, si vous voulez, on mesure la valeur d'une activité au degré d'utilité qu'elle peut apporter? Alors, il n'y a plus de plaisir. Enfin, c'est quand même un monde complètement obsessionnel où tout doit servir, où tout doit être rationalisé, organisé, technicisé. Bon, et le plaisir là-dedans. On est dans un univers où l'utilitarisme s'empare des chiffres en, je dirais, les pervertissant pour pouvoir justement assujettir les individus. Les chiffres deviennent une manière de donner des ordres. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec les évaluations. Pour moi, les évaluations, que ce soit à l'usine, dans les bureaux, dans les universités, à l'école, il faut finir. C'est la condition de notre affranchissement. C'est la condition de notre émancipation. C'est la condition de notre liberté. Trouver d'autres moyens de produire la valeur. Ça veut dire, encore une fois, qu'on n'a pas à établir des critères de valeur, mais on a d'abord à les penser avant de les appliquer. C'est un berger qui fait paître son troupeau tranquillement au fin fond d'une campagne, et d'un coup, dans un nuage de poussière, il voit surgir une Range Rover rutilante qui vient dans sa direction. Le chauffeur, un jeune homme dans un complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, cravate Hermès, moi je ne parle pas du tout des cabinets présidentiels de Macron, se penche par la fenêtre et demande au berger « Si je peux vous dire exactement combien de moutons il y a dans votre troupeau, m'en donnerez-vous un ?» Le berger regarde le jeune homme et puis le troupeau qui broute paisiblement, il répond « Bon, si vous voulez. » L'homme gare alors sa voiture, il ouvre son ordinateur portable, il le branche à son téléphone cellulaire, il navigue sur Internet, il va vers la page de la NASA, il communique avec un système de navigation par satellite, il balaye la région, ouvre une base de données incroyable, quelques 30 fichiers Excel, mais je ne vais pas vous les détailler maintenant, n'est-ce pas, avec des formules algorithmiques extrêmement complexes, et il sort, n'est-ce pas, une dizaine de pages de son imprimante miniaturisée, bien sûr, et s'adresse au berger, il lui dit... Vous avez exactement 1586 moutons dans votre troupeau. C'est exact, dit le berger. Et comme nous l'avions convenu, prenez-en un. Il regarde donc le jeune homme faire son choix, assurer sa prise, la mettre à l'arrière du véhicule, et il l'interpelle à son tour, et il lui dit « Si je devine avec précision ce que vous faites comme métier, est-ce que vous me rendrez ma bête ?» L'autre dit « Bah, ouais, pourquoi pas ?» Il lui dit « Vous êtes expert ?» Vous faites des audits et du conseil, dit le berger. Il dit oui, c'est vrai, mais comment vous l'avez deviné? Il dit c'est facile, vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé. Vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je connais déjà la réponse et dont tout le monde se fout. Et manifestement, vous ne connaissez rien au métier, rendez-moi mon chien. Voilà ce qui vous attend. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt au

nous sommes pour la réduction du temps de travail, nous sommes pour l'autonomie de la jeunesse. Voilà le type de mesures enthousiasmantes. Et c'est aussi ça que je vois sur le terrain. Bien sûr, cette coalition agglomère les différentes forces et j'espère les différents électorats, mais ranime l'espoir d'un changement de vie concret pour des millions de personnes à partir de juin. Mais ça, c'est à condition de voter NUPES. Clément Viktorovitch, vous écoutez les membres du gouvernement se relayer ces derniers jours pour expliquer, rendre compte de la nécessité d'une réforme des retraites, explication qui vous laisse sceptique. Eh oui, c'est une règle fondamentale en rhétorique. Quand on justifie une seule et même décision avec plusieurs arguments différents, c'est peut-être que la véritable raison est laissée dans l'ombre. Alors, en va-t-il ainsi de la réforme des retraites ? Eh bien, la question se pose désormais. Ce midi, Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, expliquait en conférence de presse pourquoi cette réforme serait, selon le président de la République, totalement indispensable. C'est une réforme que nous faisons pour dégager des marges de manœuvre pour financer le progrès social dans notre pays et un meilleur accompagnement de nos concitoyens. Nous refusons de le financer par une augmentation d'impôts et ces choix se traduiront dans la réforme des retraites avec la nécessité pour nous tous de travailler un petit peu plus longtemps de façon progressive. Bon, l'objectif de la réforme des retraites, d'après la porte-parole, serait de financer des mesures dites de progrès social. Ce serait donc une décision d'économie, ni plus ni moins. C'est d'ailleurs ce que dit également le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, mais avec une tonalité malgré tout légèrement différente. Il était ce matin au micro de France Inter. On peut contester notre projet politique. Je pense qu'on ne peut pas contester sa cohérence. Nous voulons poursuivre la baisse des impôts et des taxes. Pour cela, il faut que collectivement, nous travaillions davantage. C'est l'objectif de la réforme des retraites, c'était l'objectif de la réforme de l'assurance chômage. Et tout cela va nous permettre de rétablir les finances publiques, baisser la dette, baisser les déficits. Il faut faire la réforme des retraites pour faire des économies et ainsi financer les baisses d'impôts et de taxes, notamment, précisait-il avant, au bénéfice des ménages aisés. Ah bon ? L'idée principale subsiste, hein, c'est une mesure d'économie, mais vous voyez que les raisons invoquées pour faire ces économies ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce qu'une réduction des dépenses de retraite ne peut pas permettre, Clément, de financer plusieurs décisions ? Oui, c'est vrai, mais vous me connaissez, comme je suis un peu malicieux, j'ai décidé de me replonger dans de vieilles archives. Par exemple, en décembre 2019, à l'époque, il était déjà question d'allonger la durée de cotisation pour les retraites. Écoutez comment Bruno Le Maire, ministre de l'économie d'ores et déjà, justifiait la réforme, c'était sur France 2. On va vous garantir que votre régime de retraite par répartition, celui de 1945, va être sauvé. Nous sommes solidaires entre les générations. Ça, c'est le modèle français. Mais d'un autre côté, il faut garantir que financièrement, ça tient la route. On vit plus longtemps, on rentre plus tôt dans la vie, plus tard dans la vie active. Donc il est normal que nous incitions les Français à travailler plus longtemps. Ah, ça nous avait manqué, hein. Comme on vit plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps. C'était l'argument avancé à l'époque pour justifier la réforme. Alors là, vous avouerez que on devient un peu confus. Pourquoi faire une réforme des retraites, financer le progrès social, baisser les impôts ou bien sauver notre système par répartition ? Ça commence à faire beaucoup de raisons pour une seule et même réforme. Vous avez une petite idée ? Une idée en tout cas pour expliquer le changement de pied du gouvernement. Le précédent argument, tout simplement, ne tenait pas la route. Et pour s'en convaincre, il suffit de se référer au Conseil d'orientation des retraites qui fait autorité. Je vous cite son dernier rapport. Malgré le vieillissement progressif de la population, la part des dépenses de retraite dans le PIB reste sur une trajectoire maîtrisée à l'issue de la projection, c'est-à-dire 2070. C'était un résultat qui prévalait avant la crise sanitaire. Il demeure valable après. Fin de citation. Donc, non. Contrairement à ce que le gouvernement a répété pendant des mois, il n'est pas nécessaire de réformer les retraites pour conserver notre régime par répartition. Et le fait que cet argument ne soit plus guère utilisé me semble en être la meilleure preuve. Et je crois que cela doit nous interroger. Car voilà une même mesure, l'allongement de la durée de cotisation, proposée à 2 années d'intervalle avec 2 justifications non seulement différentes, mais contradictoires. La véritable raison, alors, ne serait-elle pas ailleurs ? Par exemple, et ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, une simple affaire d'idéologie. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch. Salut Bébert, ça va ? Ça va ? Hier, j'étais au cinéma. Je t'ai payé une toile. Tu vas voir un film américain. Bien, bien. Il n'y avait rien que des fenêtres. C'est vrai, moi j'aime bien aller au cinéma pour voir les grands artistes comme ça de près, c'est vrai. Alors c'était bien et pas tard. Il y avait rien que des vedettes, hein. Il y avait Marilyn Monroe. Il y avait Errol Flynn. Et Clark Gable. Et pas tard. Hein. Non, mais écoute, moi, on est assez copains pour que je te le dise, tu te vexeras pas. On dit pas Marilyn Monroe. On dit Marilyn Monroe. Ouais. Comment c'est que tu dis qu'on dit? Marilyn Monroe. On dit pas Errol Flynn, mais Errol Flynn. Pas Clark Gable, mais Kirk Gable. Depuis l'âge de 8 ans, moi j'ai appris à l'école que gueux, ça faisait gars, et bleu, gableu, j'ai déjà eu du mal à l'apprendre maintenant. S'il faut qu'à 30 ans on change de consonance, moi je vois écrit gableu, je dis gableu, et puis c'est tout. Et puis il y en avait une autre, je l'ai repérée parce qu'elle était vraiment jolie celle-ci, alors vraiment une belle fille, bien. T'as peut-être là, Diana Durbin. Bien, bien. On dit pas Diana Durbin, moi. On dit Diana Durbin. Il a écrit Durbin. On doit dire Durbin. Ah. Non, on dit pas Jean Gabin. Reste en français. Pas changer la consonance des mots. Alors là. C'est, on se promène là. Tous les deux sur les Champs-Élysées. Comme les Champs-Élysées ont changé depuis quelques années. C'est vrai, c'est curieux, là. On marche, il n'y a plus de bistrot, même dans les petites rues adjacentes, là. Il n'y a plus de bar, il n'y a plus de café, il n'y a plus de restaurant, comme dans le temps. Partout, il y a écrit Sonac Bar. En long, en large, au néon, comme tu veux, Sonac Bar. C'est curieux, d'ailleurs, entre parenthèses, que, de savoir que nous, en France, on écrive Stack Bar, et puis qu'eux, à l'étranger, ils écrivent restaurant. Écoute-moi, on dit pas snack bar, on dit snack bar. Oh, mais écoute-moi, je vois écrit snack bar, je dis snack bar et puis c'est tout. Reste en français. On va essayer de casser la côte, on va rentrer dans celui-ci. Là. Jean-Michel Dam. C'est tout chromé là-dedans. C'est tout écrit en étranger. Pourvu qu'on ne nous demande pas nos passeports. Ça sent la cuisine, c'est donc encore à manger là-dedans. Ah, attends, je viens de voir écrit un mot français, menu. Derrière le bar, attends, c'est menu. En burgère. Et toi qui sors le dimanche, qu'est-ce que ça veut dire en burgère? En burger. En burger, ça veut dire viande hachée. Voilà. Mais alors. Pourquoi ils n'ont pas écrit « viande hachée » Reste en français. Hot dog. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça, hot dog? Bah, textuellement, ça veut dire « chien chaud ». Ils bouffent du chien chaud, là-dedans? Non. Bien sûr que non. Ça veut dire « saucisse ». Mais alors, si ça veut dire saucisse, pourquoi ils n'ont pas écrit saucisse? Reste en français. Egg. Qu'est-ce que ça veut dire ça? E-2-G-S. Egg. Egg, ça veut dire E. Ce sont des œufs. Alors maintenant, quand on veut des œufs, il faut dire je veux des eggs. Tu me vois, moi, demain, à Gennevilliers, chez ma crémière, donne-moi une douzaine d'aigues. Moi, j'ai un copain qui raconte des histoires, je le vois pas en train de dire les aigues cassées 15 francs et les aigues pas cassées 20 francs. Reste en français et écrivant, eux. Voilà, j'ai déjà du mal à l'écrire en français, moi, avec le... Ouais, entre l'Est... Non, c'est vrai... Moi, je suis français, je reste français, puis c'est tout. Garçon! Moi, je dis pas barman, moi, je dis garçon. Tu bois comme moi, oui, toi aussi. Moi. Deux rouges. Et du chouette, hein? Non, pas de cette bouteille-là. Faut pas me la faire à moi, hein? Là, la bouteille à côté, là. Oui, là où il y a écrit Chianti. On dit pas Chianti, on dit Chianti. Moi, je vois écrit Chianti, je dis Chianti. Reste en français. Moi, je n'emploie que les mots français que j'ai toujours entendus. Puis c'est tout, non? Alors, garçon, alors, deux Chianti et deux steak pommes chips. Comme là, t'as vu au mur, là, ce qu'il y avait écrit, hein? Vater closé. Nous, on a des mots en France pour les s'exprimer avec ça. Pas moyen qu'à mettre latrine. Reste en français. Garçon. Non, c'est moins s'il va comprendre ce que je vais lui dire. Quoi. Garçon, combien vous dois-je, s'il vous plaît? C'est vrai, il n'a pas l'air de comprendre ce que je lui dis. Il est tout étonné. Pour vous rémunérer. Hmm? Je voudrais vous payer. Combien vous dois-je? C'est à moi que tu parles, petite tête. Oui, monsieur. Eh bien, tu me dois un sac. 4 louis et 3 thunes. Ah, ben lui, au moins, je vais le payer avec plaisir. Parce que lui, au moins, ben, il parle français. Allez, goodbye. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zéro au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume avec mes yeux de joie mes larmes, loin des alarmes coulant un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirai si un jour tu t'en irais. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. L'économie américaine, souvent boulimique en ressources naturelles, paraît atteinte d'une crise de confiance dans ses modes de régulation. L'Amérique latine est à nouveau secouée par la crise financière et donc sociale. En Asie, la multiplication des pollutions dont témoigne le nuage brun s'étend et menace d'empoisonnement un continent tout entier. L'Afrique est accablée par les conflits, le sida, la désertification, la famine.

Voilà, ce Parlement, en fait, a vocation d'abord à poursuivre, enrichir, à élargir le travail qui a été réalisé déjà par le Parlement de l'Union populaire durant la campagne présidentielle. Et là, nous faisons le lancement formel de ce nouveau Parlement élargi aux forces politiques qui sont partie prenante de la NUPES ou de la NUPES, mais aussi, on va le voir, à de très nombreuses figures du monde syndical, du monde associatif, de la culture, des sciences. Alors, c'est un lancement formel ce soir. On a fait ce qu'on a pu parce qu'on est tous dans nos campagnes législatives respectives. Mais je suis quand même heureuse qu'on puisse le lancer ce soir et qu'on puisse lancer ce travail tous ensemble avec un Parlement qui a vocation progressivement à réunir 500 personnes, 250 qui viennent des forces politiques de la NUPES ou de la NUPS et 250, eh bien d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Donc, toutes les personnalités qui étaient dans l'ancien Parlement et un grand nombre de nouvelles personnalités qui nous rejoignent et certaines vont prendre la parole juste après. Alors, dans un premier temps, dans les trois semaines à venir, ce Parlement aura vocation à contribuer à la campagne des élections législatives, d'abord en soutenant les candidats aux élections législatives, dans leurs meetings, leurs actions, etc., en mettant en avant aussi nos soutiens, nos idées, en alimentant aussi ces idées par des appels, des tribunes, des blogs, des notes, voilà, et en prolongeant aussi les discussions entre nous sur les quelques mesures sur lesquelles nous ne sommes pas 100% d'accord. Nous avons besoin aussi d'en débattre dans le cadre de ce Parlement, et puis aussi d'être alimentés par des scientifiques, des gens qui viennent de la culture, des gens qui viennent des luttes sociales, syndicales, etc. Voilà, donc c'est aussi, au-delà de tout ça, eh bien de construire ce que j'appellerais une culture politique commune qui nous permette eh bien de gagner la bataille culturelle, comme dirait Gramsci, c'est-à-dire de diffuser nos valeurs largement dans la société. Une culture politique commune entre les responsables et militants de nos différentes forces politiques, insoumis, écologistes, communistes, socialistes, ceux qui se battent à l'Assemblée, dans leur mairie, mais aussi avec toutes celles et ceux qui se battent pour un autre monde, dans leur entreprise, dans la rue, on va le voir aussi, dans leurs fermes, dans leurs bouquins, dans leurs films. Bref, partout où l'on peut faire reculer le règne de l'argent, les rapports de domination qui l'accompagnent et faire primer les besoins humains. Alors, dans ce Parlement, c'est donc l'idée d'incarner un bloc populaire majoritaire avec plein de gens différents qui ont leur propre histoire, leur propre culture, mais des gens qui se rassemblent sur l'essentiel, à savoir ce programme de gouvernement partagé, solide, étoffé, pour transformer profondément la société et faire face aux immenses défis écologiques, sociaux et démocratiques. Et donc des gens qui vont travailler ensemble pour faire advenir ce programme. Alors évidemment, nous sommes portés aujourd'hui par la jeunesse, par les classes populaires, les habitants de tous les quartiers, tous les villages que nous traversons, qui ont retrouvé de l'espoir, qui comptent sur nous, au-delà d'ailleurs du 19 juin. Nous sommes portés par l'histoire et ce qui se passe partout aussi dans le monde, ce que nous disons depuis 25 ans, un autre monde est possible, eh bien nous ne sommes aujourd'hui pas les seuls à le penser, loin de là. Regardez ce qui se passe au Chili, au Colombie ou même en Australie. Le néolibéralisme de Monsieur Macron est has-been et ce que nous construisons pour une rupture écologique, sociale et démocratique, eh bien ouvre de grands horizons. Voilà pourquoi j'espère que cette union populaire, cette nouvelle union populaire écologique et sociale et ce Parlement, cet espace commun, s'inscriront dans la durée. On verra bien. En tout cas, voilà, nous le lançons maintenant et nous allons nous mettre au travail. Et je suis heureuse de me mettre au travail, notamment, alors moi en tant que présidente de ce Parlement, mais aussi avec les vice-présidentes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc Marie Toussaint, qui est députée européenne d'Europe Écologie Les Verts. Corinne Arasigouin, qui est secrétaire nationale du Parti Socialiste. Alors, Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat. Sophie Taillé-Polian, coordinatrice de Génération. Et Manon Aubry, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Merci. Et donc, il y aura également Éric Coquerel, député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'un certain nombre de membres qui font partie du groupe d'animation qui se réunit d'ores et déjà, qui va se réunir toutes les semaines, et même je dirais qu'en ce moment, on se réunit tous les jours. Voilà, donc je veux aussi saluer la présence dans la salle, évidemment, d'Olivier Faure, de Julien Bayou, d'Adrien Quintenens, de... de très nombreuses personnalités qui nous rejoignent de tous horizons, dans ce Parlement. Je vois que ce soir, il y a par exemple l'écrivain Christian Salmon, l'historienne Ludivine Bantini, le directeur de l'Institut Rousseau Nicolas Dufresne et bien d'autres personnalités qui nous rejoignent, comme l'écrivain et prix Goncourt Éric Vouillard. Donc nous avons prévu une courte séquence d'intervention pour que vous puissiez ensuite discuter avec eux et elles autour d'un buffet et avec bien d'autres évidemment. Voilà, donc je vais d'abord laisser la parole à Laurence Decoq qui est historienne et enseignante-chercheuse engagée pour l'école publique. Eh bien écoutez, longue vie à la NUPES. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur comment on s'appelle, quand même. Hein. Je suis ravie d'être là. Je fais partie de celles et ceux qui ont souhaité cette alliance depuis longtemps. Donc, j'espère qu'elle se perpétuera, j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Je voulais commencer par encourager et remercier les candidates et les candidats qui sont en campagne, que je vois régulièrement mobilisés, notamment sur la question des écoles, que je vois avec les parents, que je vois avec les enseignants, que je vois avec les personnels non enseignants. Parfois, je suis à vos côtés, je l'ai été, je vous remercie aussi de m'avoir invitée. Et je voulais aussi vous dire que c'est sur ce dossier-là, essentiellement, que j'ai choisi, moi, de rejoindre ce Parlement, parce que je suis... une farouche défenseuse de l'école publique. Je suis moi-même enseignante, je suis chercheuse aussi dans le domaine de l'éducation. Je subis les réformes, mais j'ai aussi les moyens de les analyser avec un peu de réflexivité. Et tout cela ne me dit rien qui vaille. Alors pour le dire de façon très solennelle, je pense que l'école publique aujourd'hui est vraiment sous respiration artificielle. Je pense qu'elle n'a jamais été autant en danger. Nous en sortons laminés de 5 années de blanquérisme, laminés par des réformes qui vont à l'encontre complètement de toute forme de démocratisation scolaire, laminés par une brutalité et par un mépris de la part du précédent ministre. Et si la forme risque de changer avec le nouveau ministre, malheureusement, la feuille de route reste la même. Donc voilà, je considère que, comme l'hôpital, l'école doit être réparée. Elle doit être d'abord réparée, elle doit être ensuite transformée. Et je pense qu'il y a dans les propositions de la NUPES de quoi accomplir ce programme-là. Alors, comme exemple, on peut parler de la réaffirmation de la gratuité, par exemple, qui est un thème de campagne très important et qui est une priorité absolument nécessaire, mais aussi de tout ce qui a été décidé pour améliorer les conditions matérielles d'exercice des enseignants, bien sûr, mais aussi des élèves. Et c'est très important. Il y a aujourd'hui en France des établissements scolaires qui sont une honte à regarder, avec des rats sans chauffage dans lesquels on a froid dans certains quartiers populaires. Tout ça doit être évidemment supprimé. Et puis surtout, c'est un programme qui redonne un cap à l'école publique, c'est-à-dire qui tend prioritairement la main aux enfants qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire aux enfants des milieux populaires, à l'encontre justement de cet élitisme scolaire ou même de cette méritocratie, aux enfants des milieux populaires, aux enfants les plus pauvres, disons-le comme ça, hein, envers lesquels, depuis très longtemps, la République n'accomplit pas du tout ses promesses. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Geneviève Savigny, qui est paysanne, engagée et ancienne responsable et engagée de longue date dans les luttes pour une agriculture écologique et sociale, donc ancienne responsable de Via Campesina et de la Confédération paysanne. Merci Geneviève. Alors, bonjour et excusez-moi, je suis un peu échevelée, j'ai voyagé toute la journée pour arriver à peu près à temps. Et je n'arrive pas non plus à lire mon téléphone puisque j'ai pas pu imprimer. Donc excusez-moi, j'espère ne pas improviser trop mal. Mais voilà, ça fait à peu près 30 ans que je suis investie pour défendre l'agriculture paysanne avec mon syndicat, la Confédération paysanne. Alors que ce soit au niveau local, alors pour installer des jeunes, pour se battre pour des normes adaptées, ou au niveau national et européen, avec la coordination européenne via Campesina, dont j'ai été responsable. J'ai jamais été responsable international, mais à ce niveau européen où on s'est battu notamment pour une politique agricole commune plus juste. Et puis au niveau international aussi, où en lien avec les paysannes et paysans du monde entier, on s'est notamment battu pour avoir aux Nations Unies une déclaration des droits des paysans et autres personnes vivant en zone rurale qui a été adoptée en 2018. C'est les petites victoires qu'on a. En général, on ne les a que lorsqu'il y a alliance avec différents partenaires, avec tout le mouvement social et en lien avec des gouvernements qui savent écouter, qui peuvent faire avancer les choses dans le dur. Actuellement, l'agriculture paysanne, elle est de plus en plus attaquée. Elle est vraiment face à une avancée de l'agriculture, du système industriel globalisé, qui, avec des nouveaux acteurs, hein, les géants du big data, de la génomique, de la technologie, qui envahissent également le système alimentaire. Et il est vraiment très important qu'on puisse défendre une agriculture et une alimentation proche des gens, proche des territoires, tous ensemble. Et c'est ce que j'ai retrouvé donc dans le programme de la NUP. Et dans la période où on est, avec tous les efforts de tous les représentants politiques, je pouvais pas faire moins que de venir apporter mon concours à ces efforts et à dire bah voilà, on y va, on va voir ce que ça va donner, et puis on se bat. Et puis il y a aussi, je viens d'une zone rurale, très rurale, mais aussi avec des villes, des petites villes. Et quand je vois tout le travail que font les collègues, les collègues militants, hein, qui vont dans les quartiers, qui vont voir tout le monde, qui font du porte à porte pour soutenir la candidature commune, je me dis que vraiment je pouvais pas faire moins que de venir ici ce soir. Donc je laisse la parole à Karl Gazi, qui est le porte-parole de la CGT Commerce et Services de Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis aussi échevelé et pourtant je n'ai pris que le métro. Et je voulais d'abord vous dire ma fierté et mon bonheur d'être ici parmi vous, à vos côtés. Parce que pour le syndicaliste qui, comme moi, se bat depuis si longtemps contre la précarité, contre les salaires de misère, contre la sous-traitance illicite, pour la réduction du temps de travail, contre le travail du dimanche et de nuit, pour la retraite à 60 ans, pour l'égalité des femmes et des hommes, pour la démocratie dans l'entreprise, pour que les impératifs écologiques se lient aux revendications salariales, pour l'égalité des droits entre les salariés de toutes les origines, pour celui qui s'est battu bec et ongles contre la loi El Khomri et contre les ordonnances Pénicaud. Ma présence ce soir parmi vous, à vos côtés, c'est d'abord et avant tout un acte d'adhésion aux propositions de la NUPES. La traduction politique dans un programme de gouvernement de nos combats et de nos revendications ne procède pas d'une illusion qui serait de déléguer aux politiques le soin de mener nos combats syndicaux. Bien au contraire. Que le champ politique et le champ syndical ou encore associatif ne se confondent pas, nous en sommes tous convaincus. Nous sommes et nous resterons autonomes dans nos prises de décision, mais nos intérêts, nos succès ou nos défaites sont étroitement imbriqués. Nous ne menons pas nos luttes de la même manière, ni avec les mêmes moyens, selon que les rênes du gouvernement sont tenues par des ultralibéraux autoritaires qui détruisent à la fois nos droits et nos outils de lutte, ou qu'elles sont tenues par une majorité qui inscrit le progrès social, l'écologie, l'antiracisme et la démocratie au cœur de son programme. On ne gouverne pas de la même manière selon que les luttes sociales se multiplient et gagnent de nouveaux droits, ou bien que les organisations de travailleurs sont sur le reculoir, que les droits des femmes sont remis en cause, ou que l'antiracisme est pointé comme une tare qui diviserait la France. Je viens ce soir vous dire ma volonté de me battre avec vous et à vos côtés, de toutes mes forces, pour le succès de la NUPES, pour son succès le 12 et le 19 juin, évidemment, mais pour son succès durable aussi, en l'arrimant au mouvement syndical et au mouvement associatif, pour la faire grandir encore dans le cadre de ce Parlement. Parce qu'il est une vérité qui peut paraître si banale que l'on finit par l'oublier. face au pouvoir de l'argent, face au pouvoir de la finance, face aux désastres sociaux et écologiques dont ils portent la responsabilité, notre union reste notre force principale. Et cette force-là peut tout renverser, j'en ai la conviction. Et c'est pour ça que je suis là avec vous ce soir. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Eva Darlan, qui est comédienne, productrice, réalisatrice et féministe engagée. Bonsoir. C'est un échevelage normand fait de crème fraîche et de beurre. Un peu de camembert aussi. Dans ma vie professionnelle, comme dans ma vie privée, je me suis toujours engagée pour le respect des valeurs auxquelles je crois. L'égalité, le respect, le partage. Depuis mes débuts, sur scène et dans ma vie de citoyenne, comme actrice et comme autrice, j'ai toujours défendu les droits des femmes. J'ai rencontré celles et ceux qui pouvaient, au gouvernement précédent, faire avancer nos revendications légitimes. Ce fut sans effet. Il s'agissait pourtant de vie. À peu près 700 femmes ont été tuées sous le gouvernement Macron, sans qu'aucune de nos demandes ne soit entendue et prise en compte. Une indifférence, une fin de non-agir nous ont été opposées. Souvenons-nous des diverses consultations citoyennes faites pour endormir les colères et les urgences, que ce soit pour les femmes, les hôpitaux, l'écologie, autant d'inactions absolues. Autant de poudre de perlimpinpin. En 2012, j'ai fait la campagne de François Hollande. En 2017, j'ai participé à celle de Jean-Luc Mélenchon. En me désolant de cette désunion de la gauche qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron. En 2022, je me réjouis de cette union, enfin. Tous ceux qui y ont participé ont fait le bon choix. Faisons le nôtre. Nous avons l'occasion de nous faire entendre par notre vote. Ce sont des voix audibles et nécessaires. Je rejoins aujourd'hui cette union avec foi et enthousiasme. La nouvelle, je ne me risque pas à faire à dire l'un ou l'autre, hein. La nouvelle union populaire, écologique et sociale qui allie tout ce en quoi je crois, cette union, nous pouvons la rendre majoritaire à l'Assemblée. Ne nous privons pas de cette joie. Avec NUPS en tête des deux tours. Merci beaucoup Eva. Et du coup, je donne la parole à ta voisine que je connais bien, Marie-Monique Robin, voilà, qui est journaliste, réalisatrice, écrivaine. Bonsoir. Alors, je suis comme toi, Eva, je suis très émue d'être ici. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Un moment aussi où tous les combats que je mène depuis près de 40 ans sont au cœur du programme de la, alors je vais dire, NUPES. Alors, je voudrais commencer par une petite note personnelle, parce que je pense aussi à toi, Geneviève, n'est-ce pas? Je suis née sur une ferme du Poitou, comme dit la chanson, n'est-ce pas? Avec de très anciennes racines paysannes qui remontent à 3 siècles et mes parents m'ont toujours dit, un, que le métier de paysan, c'était le plus important du monde, parce que sans lui, il n'y a aucun autre métier possible, tout simplement. Et puis deux, ils m'ont toujours dit, bon, c'était des cathos engagés, qu'on pouvait changer le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être journaliste. Alors, ça peut paraître prétentieux et ringard, mais pour changer le monde, et d'ailleurs, je l'assume toujours aujourd'hui, même si la tâche est de plus en plus importante. Bon, voilà. Et du coup, le fil rouge et vert de toutes mes enquêtes depuis si longtemps, ça a toujours été les droits humains. Alors j'ai commencé par dénoncer les dictatures d'Amérique latine avec la complicité de l'État français, escadron de la mort, l'école française, mais aussi le piratage du vivant, mais aussi les violences faites aux femmes, le trafic d'organes, etc. Et puis à partir de 2004, je me suis centralisée vraiment à toute la question de la biodiversité et l'impact de ce modèle agro-industriel dont j'ai vu les ravages sur la ferme familiale, l'impact sanitaire, social, économique. Et évidemment, l'impact de ces grandes multinationales, dont ma multinationale préférée, qui est bien sûr Monsanto, et Bayer et les autres. Donc toute une série de films et de livres que je n'ai pas cités ici. En 2012, après avoir vraiment soutenu pendant des années, avec vraiment têtu comme un baudet du Poitou, c'est pas peu dire, les lanceurs d'alerte, j'ai décidé de soutenir les lanceurs d'avenir. Parce que je voulais tordre le cou à ce qu'a déclaré Madame Thatcher, qui a dit « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Eh bien, c'était donc à la fois un film sacré croissance pour dénoncer le modèle productiviste et montrer qu'il y a des alternatives. C'était « Qu'est-ce qu'on attend les moissons du futur ?» les nouvelles cordées, etc. Et puis le dernier en date, le film et livre « La fabrique des pandémies », qui montre à travers les scientifiques que, bon, d'abord, c'est la destruction de la biodiversité qui est à l'origine de nouvelles maladies infectieuses, mais que si on revoit notre rapport au vivant, eh bien, nous allons nous en sortir, et c'est une très bonne nouvelle, parce que ce sont les mêmes causes qui provoquent l'émergence de pandémies, mais aussi la destruction de la biodiversité, la sixième extinction des espèces, mais aussi le dérèglement climatique. Voilà. Alors aujourd'hui, après 40 ans, alors une empreinte écologique très très mauvaise en ce qui me concerne, mais bon, après 40 ans où j'ai beaucoup vadrouillé, j'ai vraiment compris que on est vraiment vraiment au pied du mur, hein, et que le modèle productiviste, et moi je n'ai pas peur de dire capitaliste, qui nous conduit là dans cette impasse où moi je suis inquiète pour mes filles, j'ai 3 filles, pour mes enfants, j'ai pas de petits-enfants, mais je suis inquiète quand même pour eux, eh bien il va falloir qu'on change de cap. Et très, très, très vite. Alors, tu as cité tout à l'heure Aurélie Gramsci. Ben moi aussi, j'aime bien citer Gramsci. Alors, vous savez, cette phrase qu'il a dit. « Le vieux monde est en train de s'effondrer. Le nouveau monde tarde à poindre et dans l'entre-deux surgissent les monstres. » Alors, moi, je suis là, ici, ce soir. Un, pour que les monstres, on les zigouille. Et deux, pour qu'on gagne et qu'on trace ensemble vraiment un avenir pour l'intérêt général et pour... D'abord, ça fera du bien au moral, déjà, parce que c'est déjà une bonne raison de le faire, et puis pour l'avenir de nos enfants. Voilà, merci. Et je donne la parole maintenant à Denis Quinqueton, qui est président de l'Observatoire LGBT, directeur, co-directeur, et un des artisans du PACS. Merci. Bonsoir. Bon, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas été échevelé. En militant depuis 30 ans tout rond, cette année, puisque ça a commencé en 92 pour moi, pour le PACS, pour le mariage pour tous, pour l'ouverture de la PMA, pour les droits des trans, pour les politiques publiques de lutte contre les discriminations, j'ai vu toutes les difficultés, le côté très rugueux parfois, mais aussi la richesse du dialogue entre des militants, ce qu'on appelle la société civile, entre guillemets, et des élus politiques. Toutes ces innovations que je viens d'évoquer, favorisant l'émancipation des individus, sont venues de la société. C'est pourquoi ce Parlement, ce lieu où, venant d'horizons différents, avec des expertises différentes, mais où on est là pour se parler, puisque c'est un Parlement, j'ai trouvé que ce Parlement, c'était une idée intéressante et qui manquait sans doute. Dans ce pays, pas depuis, parmi toutes les femmes et tous les hommes qui veulent que ça change, qu'on a déjà eu... un échantillon. Je trouve qu'on a passé beaucoup trop de temps à s'invectiver, à s'engueuler, même éventuellement, et pas assez à se parler, à confronter nos expériences, et puis à admettre que l'autre peut avoir raison. C'est un peu bête, mais c'est quand même la base d'une discussion. Voilà. Pour tout vous dire, mais en respectant les 2 minutes, je crois sincèrement que militer, c'est rêver. Rêver de ce qui n'existe pas et travailler pour que cela advienne. Travailler, ça veut dire apprendre, ça veut dire réfléchir, ça veut dire convaincre, ça veut dire échanger, ça veut dire cheminer. Et je pense que c'est tout ça qui peut être fait. On en a un besoin vital aujourd'hui. Voilà. Quant à la nouvelle union populaire, écologique et sociale, mon soutien va de soi parce que c'est une union et que je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais on l'attendait depuis longtemps. Et sur tous les sujets que j'ai évoqués, c'est l'union qui nous a permis d'avancer. Elle s'est faite sans se dire, dans le feu de l'action militante, face à tous les militants bien trop nombreux qui militaient contre le droit des autres. Elle a été fructueuse et victorieuse, puisqu'on a avancé beaucoup, pour les 30 ans dont je peux témoigner. Et puis, il y a peut-être une dernière chose qui fait que je suis heureux et honoré d'être parmi vous ce soir, c'est que je crois que l'émancipation de l'individu sans la justice sociale, ça n'est qu'un leurre. Et la justice sociale sans l'émancipation des individus, c'est un morceau de justice sociale. C'est en rassemblant les deux qu'il faut qu'on fasse bouger cette société pour que chacun puisse vivre mieux. Merci. Et un grand merci, comme tu le dis, Denis. En fait, ce Parlement, voilà, on en avait besoin. C'est un espace inédit, une structure sans précédent, comme d'ailleurs ce que nous réalisons depuis quelques semaines, les candidatures communes, le programme commun partagé. Je vois Clémence Guettet qui est ici. Enfin voilà, donc tout ça, nous le construisons en ce moment. Et voilà, j'espère vraiment que ce Parlement, comme il l'a fait durant la campagne présidentielle et encore davantage aujourd'hui, eh bien, ils permettent, voilà, de construire cette culture politique en commun et voilà, d'alimenter nos échanges par la diversité des gens qui sont ici, tout en se rejoignant sur l'essentiel et sur ce programme en commun. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie, et gentlement, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Comment aider ces pauvres gens qui agonisent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse, pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer le burnous, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de macchabées. Les cherchez pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Ils décrétèrent un jour que les vieux de la vieille, faut les achever à 70 balais. Disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. D'un air savant, ils venaient faire des tirades, remplis d'avis et conseils empoulés. Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Y avait le Raoult, celui qui les enquiquine, qui les traitait tous comme des diaphoirus. D'après lui, y a guère que sa chloroquine qui pourra foutre les chocottes au virus. La porte-parole, elle s'appelle Cybette, y'en a qui pensent qu'elle porte bien son nom. On sent bien que la moindre idée qui se pointe lui déclenche un ouragan dans le citron. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Soir aux infos, y'a le ton du lot de sadique qui compte les morts et puis y'a le défilé. Des professeurs, des stars, des scientifiques, et puis le rouquin, la merloque, le cinglé.

que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les 10 doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Rara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochet en puissance, travaille aussi du képi, travaille aussi du képi. La revue de presse. Alors, Vosges Matin, samedi 4 juin 2022, Remiremont, piétonisation, végétalisation, terrasse, le centre-ville à l'heure d'été. Tout va bien. Essence et bois a rassemblé les acteurs de la filière forêt-bois. Le château de Belleval, mis en vente aux enchères. Alors, qu'a-t-il de particulier, ce château de Belleval? Eh bien, il est entièrement construit en granit. Et puis, il a son histoire, hein, il a été victime de l'incendie en 1917. Ensuite, il a servi de siège à la Commandantur, et à la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh oui, ben oui, vous voyez, on parlait déjà les langues étrangères à cette époque-là. Ouais. Elle tombe sur une tige métallique dans son bonbon Haribo. Eh oui, une drôle de surprise, hein. Corrosion. Quatre d'hommes va découper les tuyaux suspects. Ouais, gare. Gare pour les voisins immédiats, ceux qui habitent tout près. Et puis ceux qui habitent, qui comme nous, habitent loin. Mais pour le nucléaire, loin, ça n'existe pas. Hein. Un nuage radioactif, ça fait le tour de la planète en quelques heures. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est arrosé, tout le monde est servi. Mélenchon à Macron. La Constitution ne prévoit pas le droit aux caprices. Eh oui, il est moqueur. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il est moqueur. Ah oui, oui, si, moi je crois hein, quand même. Ah oui, surtout quand il s'agit de gens de droite. Des gens à droite, mais surtout à droite. Macron tarde à aller à Kiev. Ah bon, pourquoi? Hein? Non, mais imaginez ce qui pourrait lui arriver à lui et indirectement à nous. Hein? Ah, hein, ben oui. Des fois, le hasard fait fraude fiscale chez GE. GE, c'est General Electric. General Electric. Le parquet national financier saisi. La CSE et l'intersyndicale de General Electric ont annoncé ce mardi avoir déposé une plainte pour blanchiment de fraude fiscale, notamment devant le parquet national financier. Depuis des années, les syndicalistes dénoncent le montage financier qui prive le site Belfortin de ses bénéfices. Eh oui. Eh, qui sont les complices de General Electric dans le gouvernement français, dans la haute société française, dans l'élite de la France, l'élite. Alors, tant les Vosges, un titre, un speed jobbing, pour l'ouverture d'un CAP couture. Speed jobbing. What is it? I don't speak English. Fibre, le fil du mécontentement grandit chez les maires. Ah, ben, la fibre, c'est pas, hein, quand c'était les PTT, la poste qui faisait tout le travail, la coordination était relativement facile. Et puis, il n'y avait pas de bénéfices. Il n'y avait pas de dividendes à verser aux actionnaires. Maintenant, c'est plein de boîtes qui détiennent une partie du marché, puis qui en cèdent une partie à des sous-traitants, qu'eux-mêmes font appel des sous-traitants sous-payés, etc. Voilà, alors rien ne marche. Eh ben oui, c'est ça le macronisme. Le capitalisme, c'est la même chose. Christian Jacob, rien ne changera avec LFI ou le RN. Oh, il croit ça, il croit ce qu'il dit, Christian Jacob. Allons. Les agriculteurs plus exposés au cancer, au pluriel, de la peau. Les cancers de la peau. Eh oui. Pourtant, normalement, ils sont dans la nature, ils travaillent des produits naturels, hein. Mais pas tout à fait naturels par moment. Il y a des moments où la chimie, elle fait son entrée dans ce monde-là. Et par conséquent, elle fait aussi son entrée dans notre tube digestif, hein, oui. Et avec les conséquences, voilà. Alors, tiens, le tabac. C'est le 23 septembre 2012 qu'a officiellement été inauguré le premier espace public sans tabac de France. Ah. Et c'était à Cournimont, dans les Vosges. La démarche a été engagée pour la première fois en France. Une partie de l'aire de jeu du square Saulcy, fréquentée par des enfants, des parents et des mères de famille, devient un espace public sans tabac. Voilà. Bravo. Bravo Maurice, qui était maire de Cournimont à ce moment-là. Et c'est lui qui a pris cette initiative. Étudiant infirmier. Un fort taux de décrochage. Pour faire face au manque de personnel, le ministère de la Santé a annoncé 5870 places supplémentaires à la rentrée 2023, tandis qu'hôpitaux et cliniques courtisent les étudiants infirmiers. Mais les solutions ne sont pas aussi simples. Oui. Bon, si on pouvait faire glisser une partie du personnel de l'hôpital public vers des cliniques privées, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez pas que la rentabilité des cliniques serait améliorée, hein? Mais oui, mais rien n'est laissé au hasard dans ce monde-là, rien. Le monde de la finance, c'est le monde de la finance, et puis voilà. Rapport Oxfam, un nouveau milliardaire toutes les 30 heures, 1 million de nouveaux pauvres toutes les 33 heures. Alors, circonscription de Remiremont, il y a plusieurs candidats, dont Béatrice Pirat, EELV, candidate NUPES, voilà. Ensuite, il y a aussi Damien Abad, tout juste nommé au gouvernement, accusé de viol, défendu par Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, accusé de viol, et par Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui traite les féministes de folasses, qui racontent des conneries. Il a fière allure, le premier conseil des ministres du gouvernement Borne, aujourd'hui, signé Manon Aubry. Le Vosges Matin du lundi 4 avril 2022, 10 feuilles, c'est-à-dire 20 pages de sport, hein, sur le lundi 4-4-2022. 20 pages sur 32. 20 pages sur 32. Les Vosgiens sont très, très, très, très sportifs, quel que soit leur âge, hein. Et oui. Très, très, très sportif. Et oui, est-ce qu'ils sont électeurs? Ah, aussi, oui, ils sont aussi électeurs. Bon, Gérald Darmanin, pour maîtriser les familles qui manifestent, des gaz lacrymogènes sont lancés. Scandaleux, dit-il, écrit-il, je demande la démission du préfet de police. Alors, ce message de Gérald Darmanin date du 24 mai 2013. Eh oui, il n'était pas ministre de l'Intérieur à l'époque, il ne savait pas qu'il deviendrait. En 33 ans, c'est-à-dire depuis 1986, la population française a augmenté de 13 millions d'habitants, soit une augmentation de 18,5%. En même temps, le nombre d'écoles a diminué de 24%, le nombre de perceptions de 31%, le nombre de gendarmeries a diminué de 13%, le nombre de gardes de 28% et celui des maternités de 48%. Chiffre donné par la Gazette des communes. La réduction de la dépense publique, c'est ça. Selon l'agence Bloomberg, 20 entreprises européennes ont déjà ouvert des comptes auprès de Gazprom Bank pour payer le gaz russe en convertissant des euros en roubles. Oh, j'espère que Vladimir Poutine ne va pas devenir le premier capitaliste d'Europe, ne va pas devenir, hein, le président de l'Union européenne et des banques européennes en même temps. Oh. Alors, à votre avis, pourquoi il n'y a plus de sondages dans les médias de TV depuis que la NUPES est en tête? Point d'interrogation. Les candidats de la NUPES en tête lors du premier tour des législatives avec 31% des voix, c'est ce qu'annonce l'institut de sondage Cluster 17, qui avait été le plus performant lors des élections présidentielles en plaçant très haut Jean-Luc Mélenchon dès le départ. On comprend mieux pourquoi Macron s'inquiète et les médias dénigrent notre programme, nos candidats, candidates. La victoire est possible. Cela doit donner de l'énergie pour les 2 semaines de campagne qui seront devant nous. Alors, c'est plus 2 semaines maintenant, c'est un peu moins, hein. Eh oui, on se rapproche, c'est après-demain l'élection. Gérard Filoche, ne dites jamais un patron vous donne du travail. Un patron vous donne du travail. Un patron ne donne jamais rien. Il achète votre force de travail et il fait le maximum de profit dessus. Ce n'est pas lui qui vous paye, c'est vous qui le payez. Oh là là là, oh qu'il est méchant Gérard Filoche. Oh Gérard, alors là, oh là là Gérard, ah oui. Pas d'hier, mais quand même. Économiste, Parlement, Union européenne. Nous, économistes, soutenons le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Plus de 160 enseignants et chercheurs en économie, appartenant à des écoles de pensée différentes, se prononcent dans cette tribune en faveur du programme économique de l'avenir en commun et soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Les 12 et 19 juin 2022, votez le bulletin avec le bulletin de votre NUPES, le rassemblement de la gauche et des écologistes. Voilà. Eh bien, oui, on arrive aux élections. Alors, dernière chose. En France, où on va voter après-demain, eh bien, il y a un parti qui monte beaucoup depuis des années, qui monte régulièrement, qui n'est pas encore arrivé à la majorité, mais qui s'en approche. Hein. Alors, ce parti que je ne nommerai pas, parce que je n'ai pas envie de le nommer, eh bien, ce parti-là, il sévit dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs sur 60 et quelques millions d'habitants. C'est-à-dire un habitant sur 10, y compris toutes les tranches d'âge, 1 sur 10, 1 Français sur 10, 6 millions d'habitants actuellement est au chômage. Alors, où a-t-on connu une situation pareille? Eh bien, c'était en Allemagne, en 1932-1933. Alors, il y a eu des élections qui était mauvaise en 1932. Il y a un parti nouveau qui commençait à bien émerger, hein, qui est arrivé à 24%, quelque chose comme ça. Et puis, parti d'extrême droite, hein, bien fasciste, bien très fasciste plutôt, parce que bien n'a rien à faire dans cette phrase-là. Et le président Hindenburg a refait des élections un an après, parce que ce parti-là l'énervait. Hein. Ces gens en uniforme qui saluaient bras tendus en claquant les talons et puis qui n'avaient que des idées complètement excessives dans tous les domaines, ça l'énervait. Alors il a refait des élections et, manque de chance, eh bien ce parti-là a eu accès au pouvoir. Ouais, oui, Hitler et les nazis ont eu accès au pouvoir à cause du chômage, parce que eux aussi en Allemagne ils avaient 6 millions de chômeurs à l'époque. 6 millions de chômeurs, l'extrême droite au pouvoir. 6 millions de chômeurs, l'extrême droite au pouvoir. La dictature, le fascisme, la guerre, des millions de morts. Nous voilà avertis.